quête de la compétition. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Bon, la quête de la compétition. Tu pourrais-tu m'expliquer, Daniel, un individu qui est en quête de compétition, pour moi, il se place dans un processus de survie. Qu'est-ce qui fait, quelle étape qu'un homme doit passer pour passer de l'étape de la survie à la vie réelle, finalement? Bon, effectivement, disons que tu résumes suffisamment bien au départ, oui, c'est bien. La quête et la compétition, c'est deux choses différentes. Bon, c'est un phénomène de survie pour la simple raison que l'individu, selon lui, ne peut pas arriver à poursuivre sa vie ou son existence s'il n'y a pas une lutte incessante entre ses idées et l'extérieur, entre autres, la compétition que l'on connaît, la compétition habituelle. Maintenant, c'est une survie illusoire. C'est pas une survie dans sa réalité. L'être humain n'a pas besoin d'être en compétition pour vivre ni pour survivre. Par contre, lui se sent en perte de vitesse et en perte d'énergie s'il n'est pas continuellement en compétition. Disons que la quête de la compétition, c'est un processus qui amène l'homme à se détruire, qui amène l'homme aussi, on pourrait dire, à se construire. La seule chose qu'il y a, c'est que ce processus même de transformation, en termes de démolition, de construction, c'est un processus qui n'est pas contrôlé ni contrôlable par l'homme. Alors, automatiquement, on va avoir des processus de destruction et de construction dans cette quête de la compétition. Alors, l'individu peut dire, en ayant une compétition, je peux m'améliorer. Tu t'améliores par rapport à un autre. Alors, si l'autre, tu dois le détruire pour t'améliorer, tu vas vouloir le détruire pour, justement, te donner l'impression que tu t'améliores. Alors, donc, automatiquement, c'est pas un processus de construction, même si par rapport à l'individu qui le vit, cela peut paraître comme étant un processus, justement, qui est d'évolution. Premièrement, on a une quête de la compétition. L'homme n'est pas compétitif de nature. Ce n'est pas en lui que va naître la compétition, c'est le phénomène, l'aboutissement d'une démarche. Et cette démarche-là, c'est une recherche. Et cette recherche-là, on peut l'appeler, comme on l'appelle dans l'ésotérisme, une quête. Alors, on connaît la quête du Graal. Disons que le mot quête a été surtout placé au niveau du Graal. Le Graal qui était la coupe dans laquelle aurait bu le Nazaréen, Jésus-Christ, avant de se faire crucifier. Alors, ce qui fait que la quête, c'est une recherche, c'est une démarche. Maintenant, la quête, elle existe de deux manières. Toute l'évolution de l'homme est basée sur une quête. L'homme recherche. Et cette quête, elle est incessante et elle est incessée. Vois-tu, la quête même peut être divisée en deux processus. Alors, on a premièrement un processus interne de recherche et un processus externe, cela va de soi. Alors, la quête, c'est ce qui va t'amener à démarcher d'un point, donc ton état psychologique ou ton état d'évolution, vers un autre. Un autre qui va être pour toi supérieur, mais dans sa finalisation, il peut être soit inférieur, soit supérieur, étant donné que tu ne sais pas ce que tu fais lorsque tu te mets en quête de quelque chose. Tu es en quête de la paix, mais tu ne sais pas ce qu'est la paix. Alors, automatiquement, tu vas trouver quelque chose qui va pouvoir aller avec le concept que tu as de la paix, mais que ce soit la paix ou que ce ne soit pas la paix, ça n'a pas d'importance. Tu crois trouver la paix. D'illusion en désillusion, tu vas finir par poursuivre ta quête. Alors, si on regarde les deux sortes de quêtes, et ça, c'est un phénomène que l'homme doit comprendre, ce qu'est une quête et ce qu'est la compétition. Parce que la quête de la compétition, c'est un processus d'aberration, c'est un processus d'ignorance, et c'est la base même de toute la structure de nos sociétés, la structure d'éducation, autant dans le spiritualisme, autant dans l'ésotérisme, autant dans le domaine technologique ou le domaine social. Si tu regardes la compétition dans le domaine social, tu dois avoir des meilleures notes qu'un autre, tu dois avoir un meilleur salaire qu'un autre, tu veux avoir la même auto ou un meilleur véhicule qu'un autre. Tu regardes ta maison et avant d'inviter quelqu'un, tu dois la ranger de façon à ce que l'autre puisse au moins dire que c'est comme chez lui ou que c'est très beau chez vous. Au niveau de la quête de la compétition religieuse ou spirituelle, ta religion est meilleure que celle d'un autre et tu dois continuellement aller en démarche pour prouver que ta religion ou que ton école spirituelle est meilleure qu'un autre. Alors, tu convertis, Tu dois convaincre les autres parce que plus il y a de monde converti, plus tu es convaincu. Alors, tu as automatiquement cette compétition-là au niveau des religions, au niveau de l'apparat, au niveau des dons qu'on va faire, au niveau de bien des choses. Au niveau de l'ésotérisme, tu as aussi une compétition en ce sens que tu peux te croire plus évolué qu'un autre. Tu préfères aller voir un conférencier plutôt qu'un autre parce que toi, tu es supérieur à un autre. Tu veux parler, tu veux te prouver. Parce qu'on a de l'astinage, on a des chicanes dans l'échange oral chez les individus dans le domaine spirituel. Il y a compétition dans le domaine ésotérique parce qu'il y a compétition dans le domaine social parce qu'il y a compétition. Et partout où on va retrouver la compétition, on va retrouver les guerres à l'échelle que l'on voudra, hein, un rixe entre deux individus aller jusqu'à une guerre internationale. On va retrouver évidemment un processus d'aberration, c'est-à-dire que l'on va cultiver l'élite. Et cultivant l'élite, alors on crée une société qui a des individus qui sont des as, qui sont presque des perfections de cette société, mais combien d'élites par rapport à une masse qui ne sont pas l'élite? Alors, on a donc une majorité de masse qui reste en bas de l'échelle pour une minorité d'élites. Et toute la société au complet, c'est-à-dire tous ceux qui sont en bas de l'échelle, sont obligés à travailler pour faire en sorte que ceux qui sont en haut restent en haut et continuent à monter. Alors, on a donc un travail, quand on veut faire un travail de compétition et quand on base un système éducationnel au niveau de la compétition, on a automatiquement un processus où on va enclencher un état d'aberration collective pour avoir une culture de certaines personnes. Si tu regardes juste les individus qui cherchent à se transformer, pourquoi ils n'arrivent pas à se transformer suffisamment? C'est simplement parce qu'ils essaient de cultiver leurs qualités pour essayer d'enterrer leurs défauts. Et c'est le même processus que l'on va retrouver dans notre société. On essaie d'avoir suffisamment d'élite pour que la masse se ferme, pour enterrer la masse. Alors, je l'ai déjà dit, il vient un temps où l'homme se dit « Ah oui, mais présentement, on va sur la Lune. » C'est la masse qui dit ça. Mais la masse ne va pas sur la Lune et la masse n'ira jamais sur la Lune. Mais la masse se croit. Alors, ce qui fait qu'on peut cultiver une élite tout en enterrant la masse, mais on n'arrive pas à avoir une planète Terre évoluée. On n'arrive pas à avoir un cadre pour permettre un processus d'évolution de la masse. Le problème, c'est que la masse nourrit l'élite et la masse détruit l'élite. Parce que l'élite n'étant pas suffisamment nombreux, finit toujours par être digérée par la masse. Et la masse, dans ce processus de compétition éducationnelle, rebâtit des élites continuellement, des élites qui se suicident, des élites qui deviennent fous, des élites qui font des choses mais inutiles pour notre société, donc inutiles pour la masse, des élites qui finissent toujours par aboutir à rien, à part quelques très, très rares exceptions. Alors, si on regarde donc le phénomène de la compétition, qu'il soit chez toi-même, où toi, tu vas vouloir t'habiller plus luxueusement ou plus chiquement, parce que un de tes employés ou ton patron est mieux vêtu, ou tu vas vouloir suivre la mode parce que tu as peur d'être en arrière, tu vas même vouloir être en avance sur la mode, porter la dernière mode pour pouvoir rire un peu de des autres. Alors, tu as une compétition incessante, et la compétition, si on la regarde dans son sens réel, pas comme étant un cadre constructif, parce que c'est un cadre constructif pour toi seulement quand tu gagnes dans ta compétition. Sinon, c'est un cadre qui va finir par te donner des complexes d'infériorité là où tu vas perdre. Alors, tu fais pas de la peinture d'une façon, disons, adéquate, selon une norme, alors tu perds, tu vas abandonner la peinture. Regarde tout ce que les êtres humains ne peuvent, selon eux, ne peuvent pas faire. Tu ne peux pas faire de mécanique comme un mécanicien, alors tu vas porter ton auto au garage et lui va te voler comme un mécanicien. Bon, alors il y a plusieurs choses que tu ne peux faire parce que tu es convaincu, selon des certaines normes, que tu es perdant. Et tu es perdant parce que tu es en compétition. Alors, au lieu de vouloir cultiver ce dans quoi tu es faible, tu vas essayer de grimper et d'exprimer, donc de montrer à autrui, ce dans quoi tu es fort. Et tu finis par devenir une élite dans un domaine. Tu es celui qui débarre le mieux les portes. Alors, si on a un travail pour toi, on va t'engager. En attendant, tu t'en vas sur le chômage, puis tu attends. Parce que tu es une élite. Tu es spécialisé. Et la spécialisation, c'est le résultat, justement, d'une culture de compétition. La quête interne, parce que, premièrement, l'homme qui se met en démarche commence à rechercher quelque chose par un processus interne et par après, il va être dirigé par un processus externe. La quête interne va débuter chez l'enfant. Elle va s'exprimer par la curiosité, premièrement. Alors, si on regarde la curiosité chez l'enfant, elle va être l'expression d'un processus de sa psychologie, mais une psychologie qui n'est pas dressée, une psychologie qui n'a pas d'expérience. Et comme l'enfant qui, biologiquement, apparaît sur la Terre à un moment donné, comme dans nos époques, n'a pas un organe cérébral suffisamment développé pour pouvoir avoir accès aux mémoires du monde astral, aux annales akashiques ou à ses mémoires au niveau de rite de sa réincarnation, l'enfant n'a donc pas d'expérience. Alors l'enfant va suivre, va avoir une démarche, une quête de l'extérieur qui va être générée par sa psychologie infantile, sa psychologie ignorante de l'expérience. Alors l'enfant n'a pas peur et l'enfant n'est pas confiant. L'enfant ne connaît pas ces deux expressions de sa psychologie. L'enfant recherche. Alors cette quête finit par lui amener de l'expérience au niveau psychologique, ce qui va amener la peur et la crainte. On peut dire la prudence, selon la morale, mais il vient un temps où ce que ta prudence, c'est une aberration, et c'est, disons, le cas de la majorité des prudences qu'on a ici. Tu es prudent avec l'électricité, alors tu ne touches pas au fil électrique chez vous, et tu n'apprendras jamais l'électricité, parce que tu es prudent. Et regarde ce dans quoi tu es prudent, et regarde ce dans quoi tu es fermé. Bon. Alors, l'enfant, par la quête, donc, de l'extérieur, exprimée par sa psychologie, découvre, après de l'expérience, acquérir de l'expérience et de l'éducation, et finit par avoir peur. Alors, l'enfant ne traversera plus la rue parce qu'il a peur des véhicules. L'enfant ne fera plus de mauvaises choses parce qu'il a peur des fessées de ses parents. Alors, l'enfant apprend différentes choses. Il ne mettra plus la langue après la prise de courant parce que ça a déjà brûlé. Il ne tirera plus après le fil du fer à repasser parce qu'il a eu des résultats. Alors, il va faire attention. Mais il découvre la peur. Et à travers cette peur-là, l'enfant va essayer de canaliser les choses qu'il peut faire où il n'a pas peur parce que les résultats ont toujours été probants et essayer d'éliminer les choses qui lui font peur. Mais c'est un processus normal qui n'amène pas l'enfant à être intelligent. Il l'amène à être, disons, dressé un peu comme les animaux que tu vas dresser. Alors l'enfant qui a le contact avec un chien et qui a toujours eu un bon contact avec un chien n'aura jamais peur des chiens. Jusqu'à temps qu'un chien va le mordre, et là, dans son expérience psychologique, l'enfant découvre la peur des chiens, qu'il peut contrôler selon le quota de chiens où il a été bien reçu par rapport au stress psychologique qui va être créé lors de l'agression par un autre chien. Un peu plus loin, toujours dans une démarche intérieure, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, il manque des choses, et ce manque de choses-là te pousse, donc te met en quête, de connaissances expérientielles de l'extérieur. Une fois la psychologie suffisamment adaptée et suffisamment peureuse, pour pouvoir se rassurer, la psychologie de l'astral va permettre au mécanisme mental de commencer à entrer en opération. Alors ça, on va découvrir ça chez les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, l'an montant. Ce processus mental qui commence à fonctionner va remettre l'enfant en démarche, donc en quête. Toujours en exprimant une curiosité, mais qui va amener de l'expérience à son énergie mentale. Et l'expérience amenée à l'énergie mentale amène chez l'être humain de la confiance, ce qui est différent évidemment de la peur, du stress, de l'inquiétude amenée par la quête au niveau de la curiosité astrale. Alors l'enfant ou l'adulte arrive à pouvoir se dire que telle chose, il a appris qu'il pouvait le manipuler. Alors, tu as peur du feu, mais tu peux manipuler le feu. Tu as peur de l'électricité, mais tu sais que tu peux manipuler l'électricité, donc tu ne prends plus de choc. Alors, ce qui fait que tu, par cette quête interne, donc toujours reliée à un processus interne de découverte de l'extérieur, tu finis par avoir peur, on peut appeler ça aussi la prudence, mais disons que c'est une peur incontrôlée, la prudence, tu ne peux pas passer par-dessus et maîtriser l'extérieur, tu ne le fais pas parce que tu es prudent. Alors donc, tu te limites. L'être le plus prudent, c'est l'être le plus limité. Parce qu'il y a seulement ceux qui tentent des choses, qui meurent, qui se rendent infirmes et qui réussissent à faire avancer le schéma global de la population. Il y a seulement les fous qui réussissent à changer la population et à changer les cadres dans lesquels on évolue. Alors donc, cette quête de l'intérieur finit une fois que le mental a suffisamment travaillé au niveau des découvertes de l'extérieur par donner un individu supposément équilibré qui est capable d'être restreint par une certaine prudence, par une certaine peur, mais qui est capable quand même d'être fonctionnel à travers des éléments de peur psychologique, de par son expérience mentale. Si on en resterait là, ça serait pas pire. Mais immédiatement, l'être se met en démarche, donc en quête, mais là, il est maîtrisé, c'est une quête qui est générée non pas par l'intérieur, mais par l'extérieur. Cette quête-là, elle est, disons, de deux sortes. Elle est de type psychologique, donc astral, et de type supramental. Parlons de la quête astrale pour commencer, la quête générée par l'extérieur. La quête qui, justement, va t'amener à suivre la mode. C'est pas la curiosité qui t'amène à suivre la mode. Ce n'est pas cette quête de la découverte de l'extérieur exprimée par la curiosité. L'enfant se fout de la mode. Par contre, il recherche. Il veut goûter le vêtement, il veut essayer différentes choses, il veut plonger de plus haut, il veut faire des choses. Quand l'individu est limité par sa peur psychologique, mais légèrement, disons, potentiellement efficace de par sa confiance mentale, l'individu arrive à être relié à l'expressivité de l'astral extérieur, donc il devient manipulé non plus par ses schémas astral intérieurs suite à ses réincarnations ou suite à son éducation familiale, aux relations qu'il va y avoir entre les énergies des parents et de ses frères et sœurs et de lui-même. L'enfant devient relié, donc manipulé, et ça c'est le cas, disons, de la population présentement sur la Terre, par une quête générée par l'extérieur, par l'astral de la société, par l'astral de la planète, donc par la psychologie planétaire ou la psychologie sociétaire. Alors, cette personne-là se met donc à démarcher. Il est manipulé et il recherche des choses parce que tout le monde le recherche. Alors, si tout le monde va à la messe, tu finis par y aller. Tu es plus curieux, tu y vas quand même. Tu recherches une évolution parce que la population de masse recherche l'évolution. Tu recherches un but dans la vie. Et quand tu te mets à rechercher un but dans la vie, c'est que tu recherches un coin où, dans l'extérieur planétaire ou sociétaire ou religieux ou n'importe quoi, un petit coin où, toi, là-dedans, tu vas être capable, enfin, d'être un des engrenages de tout l'extérieur. C'est le but dans ta vie. Il peut être spirituel, sociétaire, militaire, différentes formes. Alors, automatiquement, tu te mets en quête d'un but dans ta vie. Et ça, ce sont des énergies astrales qui t'attirent. Alors, toi, tu avais une attraction sur les formes extérieures, mais quand tu étais au niveau curieux, tu n'étais pas attiré par des choses comme on le prétend souvent, l'enfant est attiré par les couleurs. Non. Toi, tu attirais des choses à toi. Alors, ton mécanisme faisait que tu t'en allais à des endroits où ta curiosité pouvait être satisfaite. Mais l'extérieur ne te manipulait pas. Alors, si tu regardes, tu étais l'aimant, et il y avait un immense mur de métal, donc l'aimant est déplacé vers le mur de métal, mais cela n'empêche pas que c'est l'aimant qui attire le mur de métal, même si l'aimant est déplacé. Alors, tant que c'est l'expressivité de la curiosité, c'est l'être qui est curieux, qui génère une énergie, cette expressivité, cette compétition-là est générée par lui, et lui attire des choses. Si on regarde les rapports de masse ou de solidité, lui va être déplacé vers la chose, mais c'est lui qui génère l'attraction. Quand on arrive donc à l'adulte, lui ne génère plus d'attraction ou presque plus d'attraction. Il n'est plus curieux. L'adulte n'est jamais curieux comme l'enfant, mais l'adulte est beaucoup plus manipulé que par l'extérieur que l'enfant. Alors l'adulte se trouve à être attiré maintenant par des schémas d'attraction astrale d'extérieur. Il y a une manifestation, l'adulte va aller voir, mais pas pour la curiosité comme pour l'attraction énergétique de la manipulation sociale. L'adulte va voter, l'adulte va regarder des accidents, ce que l'enfant va faire deux, trois fois par curiosité, mais il s'attachera pas à ça. Sauf quand l'enfant arrive à un âge où il peut commencer à être attiré par les choses extérieures, donc l'enfant se met en quête, comme l'adulte se met en quête. La démarche spirituelle, elle est de deux ordres. Une quête de l'astral spirituel planétaire, ce qui va forcer les individus à avoir une idée d'une mission à accomplir, à vouloir aider le plan planétaire, à vouloir trouver un but dans leur vie. Alors, il y a plusieurs formes d'expression de cette compétition qui est, de cette quête de compétition qui va être reliée, qui va être manipulée par les formes d'énergie astrale, planétaire ou sociétaire. Et tu as une deuxième forme de cette quête extérieure qui, elle, est une quête où tu vas être attiré par une énergie, non pas astrale, mais supramentale. Il n'y a pas d'énergie mentale qui attire l'être humain. L'énergie mentale est un processus astral et qui est généré que par le processus intérieur à l'homme. L'homme développe son énergie mentale par la connaissance qu'il acquiert au niveau de l'expérience, donc par la connaissance qu'il acquiert au niveau de l'énergie astrale, et il peut s'en servir au niveau du plan mental. Mais l'homme ne peut pas être attiré par son plan mental. Par contre, le plan supramental peut lui aussi créer un canal dans lequel un individu va pouvoir se placer et l'individu va être attiré vers l'extrémité de ce canal-là. Et ça, c'est la quête de la conscientisation. Daniel, quand on regarde le cheminement de ce que tu viens de dire, la quête extérieure de la compétition, finalement, c'est une simulation de la vie. Mais si on regarde la quête intérieure, quand un individu commence à avoir une vision un peu plus globale, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas perdre sa densité? Autrement dit, c'est quoi les grandes de l'homme? Tu sais? Les grandes de l'homme. Grandes il de le l'homme. Rattache au sol. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui va rattacher un homme au sol? Si on regarde simplement, puis justement, c'est le problème, c'est que l'homme reste attaché au sol plus souvent qu'il ne devrait. Quand je parle au sol, je parle du plan matériel, du plan vital et du plan astral surtout, parce que le plan astral, c'est très dense. L'être humain qui est relié, donc qui va être attiré, qui va être en quête d'une démarche de conscientisation, qui va être généré par le plan supramental, c'est un être humain qui aura toujours des racines dans le plancher et la tête, disons, dans le ciel ou dans les cieux. C'est-à-dire que cet être-là saura toujours faire la démarcation entre un plan spirituel et une chose, disons, efficiente au niveau de la planète Terre. Je dois aller travailler, mais présentement, je suis en train de faire un beau trip, je suis en train de comprendre des choses que j'ai jamais compris. Fait qu'est-ce que je fais? Tu es relié au plan supramental. Si lui veut te communiquer quelque chose, tu te poseras même pas la question, tu n'en auras pas le temps. Tu pourras même pas te lever, tu vas être fixé là, puis tu vas avoir la connaissance sur le plan que tu en auras besoin. Pendant ce temps-là, cette énergie-là va s'occuper de tes autres problèmes qui pourraient être suscités par le fait que tu bouges pas, que tu vas pas travailler, par exemple. Si tu es relié au plan de l'astralité spirituelle ou de l'astralité supramentale planétaire, tu vas te poser la question et tu vas préférer, parce que tu vas goûter, parce que tu vas jouir, tu vas être capable de te délecter de l'état de connaissance, donc de l'état, disons, de contact que tu vis présentement, et pouvant te délecter de cet état de contact-là, tu ne fais qu'expérimenter un processus astral de manipulation qui te fait croire que tu es en contact supramental, mais vu que tu peux t'en délecter, cette délectation-là te laisse en contact avec le phénomène de l'astral supramental. Si tu es relié à l'astral supramental, pas l'astral, mais à l'énergie supramentale authentique, tu n'auras jamais de délectation de cette énergie-là. Elle n'est pas dégustable par la psychologie astrale parce qu'elle n'est emmagasinée que par la mémoire de l'astral ou par l'énergie mentale. Tu vas pouvoir déguster cette énergie-là une fois que le contact va avoir été coupé et que tu vas pouvoir te mettre en contact avec les vestiges dans ta mémoire de ce contact-là. Alors, l'homme reste au sol, c'est-à-dire que l'homme garde la tête froide. S'il est relié avec l'énergie supramentale, mais l'homme risque de perdre la tête froide parce que l'homme est en quête de connaissance. L'homme est en quête. Tous les individus qui sont présentement en quête de connaissance, en quête de transformation, en quête d'élimination de problèmes, en quête d'amélioration de santé ou de processus psychologique, en quête de fuite de douleur ou de recherche de plaisir, sont des individus qui sont rattachés à une énergie astrale, disons évoluante ou évolutive, mais de l'astral toujours. Et ces individus-là se mettent en quête de quelque chose, et pour pouvoir assurer cette quête, ils devront se bâtir une idée de ce qu'ils recherchent. Parce que l'être humain pense que c'est fou que de rechercher quelque chose, mais de ne pas savoir ce que l'on recherche. L'être humain pense que c'est stupide de faire ça. Je cherche quelque chose. Alors, que cherches-tu? Je ne sais pas. Mais je cherche. Et ça fait 15 ans que je cherche, mais je ne sais pas ce que je cherche. Alors, l'être humain pense que c'est stupide. Pour pallier à cette stupidité apparente de la recherche de rien, l'être humain bâtit une structure de forme, une idée, un concept, pour pouvoir dire « je recherche la paix, je recherche Dieu, je recherche la sérénité ». Et là, on dit « ah ben là, c'est moins stupide ». Il ne recherche pas rien, il recherche la paix. Alors, mieux vous suivre quelqu'un qui recherche la paix que quelqu'un qui recherche il sait pas quoi. Mais la paix, tu ne sais pas ce que c'est. Alors, rechercher la paix ou rechercher je ne sais pas quoi, c'est la même chose. Alors, c'est simplement que tu te bâtis une idée pour pouvoir te donner l'impression que ta démarche n'est pas stupide. Mais ta démarche, elle est encore plus stupide parce que maintenant, tu es encore plus aveugle. Parce que tu crois que tu as une démarche éclairée quand tu as une démarche encore plus noire parce que tu n'as même plus la possibilité de te rendre compte au moins que ce que tu recherches, tu n'en connais rien. Si l'homme connaît la paix, l'homme a la paix. L'homme recherche la paix, l'homme n'a pas la paix, donc l'homme ne connaît pas la paix. Alors l'homme recherche la paix, l'homme a une idée de ce que devrait être la paix. Non pas de ce qu'est, de ce que devrait être la paix. Et l'homme recherche quelque chose dans le cadre social, dans le cadre religieux, dans le cadre matériel, qui pourrait aller avec son concept de paix. Il est prêt, jusqu'à un certain point, à transformer ce concept pour essayer de l'adapter à l'extérieur, mais l'extérieur se transforme continuellement, et un concept est une mémoire, et une mémoire souffre quand elle se transforme. Alors l'individu qui recherche la paix à partir d'une idée souffre continuellement parce que cette paix-là, il doit sans cesse la transformer. Ou l'individu qui ne recherche rien, je cherche. Pourquoi cherches-tu? L'individu qui cherche rien, lui n'est pas en compétition parce qu'il ne base pas sa quête sur quoi que ce soit de formel. Si tu bases ta quête sur quelque chose, tu la bases donc aussi sur son inverse. Je recherche la paix, donc je fuis l'inverse de la paix. Je fuis la violence, je fuis le mouvement. Donc, quand j'ai la paix, je suis mieux que tous ceux qui n'ont pas la paix. Et tu devras toujours, dans ce processus de quête compétitive, comparer ton résultat interne ou externe dans la matière à un résultat donné par quelque chose d'extérieur à toi. Alors, tu as donc cette recherche que moi, je suis bien. Je regarde juste l'expression, disons, stupide. On n'est pas si mal que ça. Il n'a que son pire que nous autres. Ils n'ont aussi qu'ils sont mieux que toi. Fait que t'es vachement mal. Fait que juste dépendant de quel bord tu vas faire ta constatation, tu vas broyer ou tu vas rire. Parce que si tout d'un coup l'énergie astrale te fait dire, ben il y en a qui sont bien mieux que moi. Fait qu'en fin de compte, je suis mal en maudit. Quand tu pensais dire, ben il y en a qui sont bien plus mal que moi. Fait qu'en fin de compte, je suis mieux. Alors tu remets ton état de paix entre les mains d'un processus binaire. Entre à savoir s'il y en a qui sont pires ou s'il y en a qui sont mieux. Mais il y a toujours quelqu'un de mieux, il y a toujours quelqu'un de pire. C'est pas nécessairement vrai. Mais c'est ce que l'homme tient à garder. Comme ça, l'homme se place toujours dans une moyenne. Et quand l'homme est dans une moyenne, l'homme est bien. C'est pourquoi que l'homme reste dans une masse et l'homme ne veut pas être marginal de la masse. Alors on suit la mode, on suit les processus publicitaires et on fait un peu ce que tout le monde fait. Alors, si tu regardes au niveau de l'expressivité de l'individu qui recherche rien, il est en quête, mais il n'y a pas de compétition. Quand va-t-il l'avoir trouvé? Jamais. Sans doute qu'il ne trouvera jamais. Mais il aura toujours une transformation et lui pourra juger sa transformation à partir de lui-même. Et non pas à partir d'individus qu'il va rencontrer. À partir de lui-même. Toi, tu es l'être humain le plus parfait qu'il y a sur la Terre et un jour où tu ne vas pas bien. Moi, je te rencontre, je te vois mal, puis je me dis, je suis bien mieux que lui. Alors, je me dis, je suis au bout. Mais je ne t'ai pas vu dans le reste du temps. Mais ça me satisfait, parce que c'est une simple illusion satisfait l'être humain qui est en recherche de compétition. Pourquoi? Parce que tu commences à faire une sculpture. Tu fais une grosse sculpture, puis elle n'est pas parfaite. Et là, tu juges par rapport à toi, mais il n'y a pas de compétition. Et soudain, tu vois une émission à la télévision où on montre une exposition de sculpture. Tu compares à l'extérieur pour te rendre compte que la tienne est bien mieux que ceux-là. Alors, est fini. Mais 2 secondes avant, elle n'était pas finie. Elle ne te plaisait même pas. Mais maintenant que tu viens de comparer, ben, elle est bien meilleure, elle est bien plus belle qu'eux autres, elle est parfaite. Et si elle est plus laide, tu peux la mettre aux poubelles puis laisser faire la sculpture. Alors, quand tu compares à l'extérieur, et ça, c'est la quête de la compétition de l'être humain, même dans le processus d'évolution, je pense que je change parce que avant j'étais comme eux autres, puis maintenant, je suis différent. Tu changes pas, tu es toujours comme eux autres. Tu as changé tes concepts puis tes points de vision, mais tu es toujours dans un phénomène de compétition. Et il n'y a pas une seule évolution adéquate qui va se faire à partir d'un phénomène de compétition. Tu as un deuxième processus de compétition qui est très dangereux parce qu'il permet à l'homme de croire qu'il n'est pas dans un processus de compétition parce que l'homme ne se compare pas à l'extérieur, mais l'homme, l'individu, qui se conscientise, donc qui arrive à percevoir l'idée même du corps mental, qui arrive à avoir une idée du corps supramental et qui de temps en temps peut être en relation, en contact avec une énergie astrale supramentale ou réellement supramentale par étincelle, l'individu arrive à susciter en lui, à faire naître en lui, et là, écoutez-moi bien, c'est la pire compétition et elle touche tous les individus qui, à un moment donné, commencent à percevoir l'idée même de la manipulation. Cette compétition, elle existe entre les plans mêmes du corps. Alors, il vient un temps où le mental va compétitionner la psychologie de l'homme, où la psychologie va compétitionner le mental de l'homme, où la psychologie va compétitionner le physique de l'homme, etc. Alors, on arrive à une compétition interne, mais entre les différents plans. Et l'individu qui a une compétition, une quête sans compétition, lui, va comparer un processus avec l'idée même dans le mental de ce qu'il veut faire et le résultat efficace dans le mental de ce qu'il a fait. Ça va lui plaire ou ça ne lui plaira pas. Jamais il ne s'en sentira coupable et jamais il ne comparera sa création avec une chose extérieure. Mais l'individu qui est en quête et qui est compétitif par rapport à ses différents corps, je veux contrôler mes émotions. Mon mental va finir par contrôler. C'est un processus normal où le mental, un jour, va finir par pouvoir canaliser les énergies astrales. Mais le mental ne doit jamais vouloir le faire. Et le mental, je le répète, est suscité par notre psychologie. L'énergie intellectuelle qui habite l'homme prend naissance dans ses mémoires. Et toute notre psychologie comparative ou compétitive vient de nos mémoires où je compare quelque chose que je viens de voir, mon verre est plus vide que le tien. Parce que je ne vois pas le tien, mais en mémoire, j'ai que le tien est plus plein que le mien. Alors, on compare de par une psychologie, mais mentalement aussi, on y va à partir de nos mémoires. Ce qui peut arriver, c'est que ce mental-là, dans ses débuts de formation, dans son début de naissance, ce que moi j'appelle l'intellect, a encore un phénomène de désir. Il est relié à l'astral, et l'astral qui est relié au mental peut finir par former une espèce de corps astralo-mental qui lui va entrer en compétition contre le reste de l'astral qui n'a pas de mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que toi, tu as un goût. Alors, je vais prendre de l'eau. Puis, en fin de compte, moi, je suis bien stupide de prendre de l'eau. Je prendrai pas de l'eau, je vais prendre des protéines prédigérées parce que c'est meilleur, en régime, quoi que ce soit. L'individu, continuellement, dans l'expressivité de sa conscientisation, finit par vivre un état de compétition intercorporalité, donc entre le corps mental et le corps astral, entre le corps astral et le corps vital. Voyez-vous, le corps vital est ce qui permet à l'homme de rester en vie, c'est la vie. C'est l'énergie de la vie. Par contre, lorsqu'il y a compétition entre le corps psychologique et le corps vital, on va assister à un regain d'énergie opéré par la psychologie. Quand l'individu se dit Mais moi, je suis capable de le lever, ce pot-là, tu vas voir. Là, il s'en va là, puis il commence à me faire gripper après ça, puis il va jusqu'à même se faire mal. Sa psychologie s'exprime et elle est convaincue qu'elle peut faire femme, peut faire marcher le corps physique beaucoup mieux que normalement le corps physique pourrait faire. Alors, elle va par-dessus la limite du corps physique. Et ça, c'est une compétition dans le domaine des sports. Quand tu arrives à prendre, par exemple, des produits chimiques, à prendre des produits organiques pour pouvoir, disons, te droguer, on appelle ça te doper, hein, pour pouvoir augmenter ton processus physique, ta psychologie, elle a un désir, elle veut acquérir le résultat et elle va obliger le corps à le faire. Le corps peut en mourir, le corps peut se détruire, mais c'est pas grave, ta psychologie, elle est convaincue, elle, qu'elle peut le faire. Tu es malade, tu fumes. Oh, mais moi, je suis suffisamment évolué, de toute façon, la fumée, ça me dérange pas, mon corps. Bon, alors si tu es suffisamment évolué, mais que tu n'es pas capable d'avoir suffisamment de volonté astrale pour arrêter de fumer, attends-toi pas à avoir suffisamment de volonté astrale pour obliger le corps à ne pas souffrir de la nicotine et du goudron. Bon. Alors, ce qui fait que tu as une compétition, et celle-là, c'est la pire, parce que l'individu conçoit cette compétition entre les corps comme un processus parfait d'évolution. L'individu normal conçoit la compétition comme un processus d'amélioration. Alors, je fais une compétition de judo, je fais une compétition d'arts martiaux, et quand je gagne, je me suis amélioré. Ou je me suis pris contre quelqu'un qui était réellement poire. Mais si je te donne une médaille, si tu te bats pour un public ou encore pour les médailles, il y a un moment donné où, qu'il soit faible ou fort, il était fort. Et tu as gagné. C'est tout ce qui t'intéressait. Et toi, tu appelles ça un processus d'amélioration. Mais c'est vrai pour toi, parce que tu gagnes. Pour l'autre qui part, ce n'en est pas un. Et c'est un processus de décadence. Et comme on donne 3 médailles aux Olympiques, ou 3 médailles dans n'importe quel sport de compétition, il y a toujours plus de perdants que de gagnants. Donc, on a toujours un refoulement de masse dans la décrépitude pour avoir une petite minorité d'élite. La compétition se fait entre l'individu et lui-même à la condition qu'elle se fasse entre un corps et lui-même. Le mental peut s'auto-juger pour savoir si l'expression qu'il a pu avoir par l'intermédiaire de la matière est suffisant à ce qu'il concevait. La psychologie de l'amour, la psychologie de la crainte, la psychologie de la peur, la psychologie de la créativité devrait se juger de par elle-même. Et non pas de par un phénomène extérieur, de par l'expressivité d'un autre, ou de par ce que le mental aurait voulu que la psychologie exprime. Si tu as une compétition entre les corps, ça va te donner l'impression, comme la compétition extérieure donne l'impression à la masse qu'il y a une amélioration, ça va te donner l'impression, toi, que tu t'améliores. Et ce jeu illusoire de la compétition évolutive à l'intérieur de l'homme ne va faire qu'amener certaines parcelles de certains corps à un état d'élite pour aberrer le reste. Alors, tu vas, encore une fois, développer tes qualités pour abandonner le reste. Lui, il n'est pas capable de peinturer, il n'est même pas capable d'imaginer un décor. Par contre, donne-lui des mathématiques, il va les faire travailler. Alors, on en fait un comptable, ou encore, on l'éduque avec des mathématiques, et on essaie de faire suffisamment développer cette parcelle de son intellect ou de son corps mental pour qu'elle puisse enterrer, camoufler tous les défauts ou toutes les lacunes qui peuvent exister au niveau de ces autres corps. Il n'y a pas un corps physique là-dedans, il a toujours été soluette. Mais il y a un mot du bon cerveau, puis c'est un génie. Ben oui, c'est un génie qui déboule des marches l'hiver. C'est un génie qui a toujours des problèmes de santé. C'est un génie que, ben, il n'a jamais été bien, bien fort. Mais est-ce qu'on s'est arrangé pour qu'un jour il soit fort? Non. Lui, il a des gros bras. Est-ce qu'on développe son cerveau? Non, on en fait un lutteur à la place. Ben non, on en fait un débardeur ou on en fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'au moins, il va pouvoir faire de quoi dans sa vie avec ça. Il va pouvoir gagner sa vie. Gagner sa vie, c'est mériter de vivre. Puis mériter de vivre, c'est être en accord avec la vie. Pas être en accord avec un budget salarial. Alors, vois-tu, ce qui va arriver, c'est que si tu as une compétition, et dans chaque individu qui se conscientise, ou qui se religieuse, ou ce qui se spiritualise, à un degré suffisant pour qu'il commence à découvrir différents phénomènes à l'intérieur de lui, automatiquement va naître la compétition intercorporalité. Ce que tu parles, c'est ce qu'on entend souvent dire, ben moi je compétitionne pas avec les autres, je compétitionne juste avec moi-même. C'est... Oui, alors compétitionner avec toi-même, c'est ce phénomène-là, c'est une aberration. Vous vous améliorez, oui, tu améliorerais quoi? Tout. Il n'y a aucune compétition avec cet individu-là. Par contre, cet individu-là va regarder toutes les émissions de télévision qui l'intéressent. Il va pouvoir lire des revues scientifiques comme des revues médicales, juste comme ça, comme des revues de mécanique. Il va savoir faire plusieurs choses, mais les individus qui présentement n'ont pas de compétition à l'intérieur d'eux, intercorporalité, ont tous une compétition à l'extérieur d'eux. Les individus qui ont une compétition à l'intérieur d'eux ont tous une compétition à l'extérieur d'eux. Mais le problème, c'est que l'individu va connaître, peut prendre connaissance de la compétition extérieure, mais il y aura toujours la compétition intérieure parce que jamais lui viendra à l'idée qu'il peut justement exister une lutte. La première compétition intérieure qui va naître chez l'homme, c'est une compétition entre des plans différents. Un plan qui va être très astral, très mémoriel, très psychologique, et un plan qui va être l'intellect, l'astral logique. Et là, on va avoir un phénomène qui va permettre à l'homme de se rendre compte que sa colère, elle lui est nuisible. Donc, la parcelle intellectuelle qui est intelligente de façon intellectuelle, prend connaissance de ce phénomène-là, va décider que là, c'est fini, je vais contrôler ma colère. Alors, je refoule ma colère, je la contrôle, et je me dis même que je ne suis plus en colère, puis Christy, c'est pas une niaiserie de même qui va m'énerver, hein, m'a contrôlé ça mieux que ça. Alors, tu as déjà le même phénomène, c'est pas un petit niaiseux comme toi qui va venir me niaiser. C'est le même phénomène. Il y a compétition et il y a valorisation de l'énergie qui veut justement contrôler. L'énergie qui est en dessous va vouloir aussi contrôler, parce que tous ceux qui perdent en compétition veulent se reprendre. Elles vont se reprendre comment? Ton intellect arrive à maîtriser certains phénomènes d'expressivité de ta psychologie. La peur, jusqu'à une certaine limite. La colère, jusqu'à une certaine limite. La honte ou la gêne, jusqu'à une certaine limite. Mais, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver simplement que tant que ton mental veut contrôler ta colère, pendant ce temps-là, il y a un autre processus qui va apparaître où tu vas être gêné. Ou tu vas être défini par devenir arrogant. Alors, tu vois toujours que tu contrôles une énergie, tu étouffes celle-là, mais tu ne t'occupes pas de toutes tes énergies parce que c'est pas un processus de compétition interne qui permet à l'être humain d'évoluer. Alors, tu vas avoir une recrudescence d'énergie que tu oublies, qui eux vont le te reprendre par en dessous. Exactement comme tu es avocat, le client qui vient te voir, bon, tu lui ramasses quelques scènes puis tu le voles pas mal. Il y a plusieurs causes avec sa maison, avec son auto, avec etc. puis tu lui ramasses en masse. À un moment donné, tu as un accident de char, puis tu as un éclatement de la rate, tu rentres à l'hôpital, puis le médecin qui te reçoit, c'est lui. C'est ton client qui était niaiseux que tu as toujours volé. Lui, il te regarde, il te reconnaît. Il sait que tu l'as volé, mais il ne peut pas rien faire. Alors, même si tu as pu taper sur une énergie plus faible, même si tu as pu maîtriser pour pouvoir gonfler certaines énergies en toi, il y a toujours un moment donné où ce que cette masse faible-là développe des processus d'élite dans d'autres domaines. Que ce soit dans la mécanique, le mécanicien va t'attendre dans le crime. Il peut même saboter ta direction ou encore ton système de freinage pour t'envoyer dans un autre monde. Alors, quel que soit le phénomène que tu vas écraser pour en gonfler un autre, tu as toujours d'autres phénomènes à côté qui vont pousser pour mieux t'étouffer. La lutte à l'intérieur de l'homme, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne que je contrôle ma colère. Puis après un moment donné, tu n'es même plus capable de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Tu as laissé, sans t'en rendre compte, développer la gêne et une inexpressivité. Tu t'es perfectionné dans l'expressivité du gars calme, du gars sans émotion, du gars comme tu voudras. mais du gars plat, du gars froid, parce que tu as développé ça en toi, parce que tu en avais besoin. Et tout le reste, bah, s'ils sont pas contents de moi comme ça, si tu veux, je te dis. Mais c'est toujours ça qui arrive. La compétition ne développe que certaines choses d'élite pour enterrer le reste. Et ce reste-là finit toujours par te revenir sur la tête parce que tu en auras besoin à un moment donné et là, tu auras payé le prix. Alors, l'individu qui a une lutte à l'intérieur de lui en différents corps, cette lutte-là, il doit la cerner. Parce que quel que soit l'individu qui veut s'améliorer, c'est un individu qui déjà a une lutte en lui et qui a déjà un processus de compétition qui est démarré à l'intérieur de lui. Et ce processus-là l'amène à fermer des portes, à développer certaines choses. J'ai perdu ma famille parce que j'ai suivi tel conférencier. J'ai fait telle chose, j'ai laissé mon travail parce que je suis rentré dans telle religion et puis en fin de compte, eux autres ne voulaient pas que je porte mon gros crucifix ou mon gros ou je sais pas quoi. Alors, ce qui fait que j'ai laissé mon travail. Je suis rentré dans les hippies puis il fallait que je me fasse couper les cheveux, fait que j'ai démissionné. C'est pas eux autres qui m'ont fait couper les cheveux, quand même. Je suis plus moi-même que ça. Bon, alors tu es complètement manipulé, il y a des compétitions à l'intérieur de toi qui t'obligent à perdre. Si tu es en quête et que ta quête, elle est attirée par l'énergie supramentale descendante, ce qui va se passer au niveau de ton interne, c'est qu'il n'y aura pas de compétition parce que si tu n'es guidé que par cette énergie-là, qui va être ajustée par une pensée juste à un moment donné, parce que ton mental va se développer par l'intermédiaire de l'énergie supramentale ou l'Esprit Saint, ce qui va arriver, c'est que tu seras toujours à la recherche de rien. Tu seras en recherche, tu seras en démarche, sans contexte, sans concept, sans idée, sans spéculation. Tout sera vrai et tout sera faux. Tu douteras de tout, mais tu ne renieras rien. Et tu seras beaucoup plus proche de l'être qui est appelé à savoir, parce que quand je vais te l'énergie, quand l'intelligence va t'amener une connaissance, tu n'iras pas la comparer à un concept. Tu vas immédiatement vérifier dans le présent si c'est intelligent. L'énergie supramentale n'ira pas te dire que hier, tu aurais dû faire telle chose. L'énergie astrale, oui, parce qu'elle peut te culpabiliser, parce qu'elle peut te valoriser. Il y a un processus de compétition entre ces énergies-là et automatiquement, on peut te parler du passé ou de l'avenir. Enfin, tu fasses mieux. L'énergie supramentale ne te demande jamais de faire mieux. Laisse-la s'exprimer. Ce que tu vas faire va être bien mieux. Mais tu n'as pas de... L'énergie supramentale ou l'énergie, l'Esprit Saint n'a pas de démarche compétitive. Tu as une quête parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un processus énergétique qui attire à toi des choses. Vu que toi, tu es mobile, tu vas te déplacer vers ces choses-là, mais cette curiosité-là, elle est attractive et elle est générée par ta propre psychologie qui est en recherche d'expérience. Curiosité infantile. Tu vas finir par acquérir de l'expérience. Et cette expérience-là, par essai et erreur, finit par t'amener une prudence, une peur. Cette peur-là va finir par t'amener dans une démarche où tu vas vouloir fuir ce qui te cause la peur pour rechercher l'antidote de la peur, donc tous les processus expérientiels que tu as acquis qui t'amènent le plaisir. Donc, tu te mets en démarche et cette démarche-là, elle est déjà compétitive en ce sens que tu devras enterrer, éliminer, être supérieur à ce qui te fait peur et conserver de plus en plus longtemps ce que tu aimes. L'individu qui conserve son auto 20 ans se sent mieux que l'individu qui, tous les 5 ans, a plus de char, le moteur tombe dans la rue, le différentiel aussi, tout ça. Alors, ce qui fait que tu as déjà des marges de compétition. Un peu plus tard, et cela, une chance, les individus de l'Antiquité qui n'avaient pas d'intellect et étaient des individus qui avaient suffisamment peur pour avoir suffisamment de dieux. Alors, des dieux qui les rassuraient, des dieux qui leur faisaient peur. Aujourd'hui, et disons ça fait un petit bout de temps, l'homme arrive à un autre processus de curiosité qui va être généré par le corps mental, donc par l'intellect, et ça va lui amener de la confiance. Confiance parce qu'il sait qu'il est capable de manipuler certains processus de peur. Le chat me fait peur, je prends une masse, je le somme, je le tue, réglé. Bon. Alors, tu peux manipuler des processus dans ce genre-là et tu peux aller jusqu'à construire une arme à feu ou en tout cas, tu peux aller jusqu'à très loin pour pouvoir manipuler, c'est quand même une confiance. Mais cette confiance qui apparaît parce qu'elle camoufle un phénomène de peur, tu devras la nourrir continuellement parce que continuer à vivre, tu vas acquérir de l'expérience continuellement et acquérissant de l'expérience continuellement, tu vas acquérir de nouvelles fonctions, de nouvelles formes d'expression de la peur. Donc, tu devras renouveler tes formes de curiosité mentale pour pouvoir renouveler ta confiance. Alors, plus l'ennemi est gros, plus tu augmentes ta confiance. Un nouvel ennemi apparaît, il faut que tu réaugmentes encore ton armement ou tes processus de défense pour avoir encore la confiance pour bien dormir. C'est une confiance qui, finalement, est alimentée à même ton expérience, mais pas nécessairement à même ta conscience. Non, à même l'expérience qui alimente aussi ta peur. C'est le processus normal d'évolution de l'homme et l'homme vit dans une compétition qui va être générée par ce processus-là. Processus, on peut constater qu'il est inadéquat. Alors, ce qui va arriver, c'est que ton individu finit par arriver à une quête extérieure à un moment donné. Vivant de l'expérience, il découvre aussi des tangentes qui sont déjà bâties dans une société, par exemple, où tu vas vouloir devenir policier, où tu vas vouloir devenir plombier, où tu vas vouloir devenir médecin, où tu vas vouloir devenir chômeur, ou de la cité sociaux. Bon, parce qu'il y en a qui préparent ça à l'école. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette attraction-là devient une quête de démarche, de confiance, de fuite de la peur, qui est générée non plus par toi et par ton expérience, mais qui sont des canaux tracés dans l'extérieur. Là, on va intervenir à la réelle manipulation de l'extérieur. Alors, si on fait un film, si on fait une annonce, si on fait certaines choses, ou si tu apprends des choses de l'extérieur, ça va lentement donner une tangente à ta vie. L'enfant qui est curieux ne prépare pas son avenir en ce sens qu'il ne se prépare pas à être une spécialité particulière. Ce n'est pas entre l'âge de 0 et 14 ans qu'il se prépare à être médecin. Par après, quand ton contexte mental est suffisamment développé pour avoir une confiance de la vie, tu finis par être attiré par une énergie extérieure qui, elle, va fitter avec toi selon l'expérience, justement, que tu vas avoir acquis au cours de ton éducation infantile. Et cette énergie-là qui va aller en relation avec toi, qui va y avoir une espèce de résonance, va t'attirer dans un cheminement de la vie qui va t'amener à être médecin, à être assisté sociaux, à être travaillant ou à être paresseux. Alors, ce qui fait que cette énergie-là, elle, commence à te manipuler. Ça, c'est la deuxième quête, une quête extérieure qui va faire en sorte que tout d'un coup, l'individu se lève puis décide de faire de quoi avec sa vie. Mais en réalité, il décide de prêter sa vie au contexte qui décide de l'attirer. Cette quête-là peut être sociale, religieuse, militaire, ou etc. Mais l'individu, à travers ça, finit de temps en temps, parce que son processus mental se développe, à être attiré par une nouvelle forme d'énergie, qui est l'énergie supramentale. Elle aussi va dresser un canal dans lequel l'individu va être appelé à se placer. Quand il se place dedans, il fait la volonté du Père, il ne fait plus la sienne ou celle de la planète. Mais l'individu, pendant longtemps, va rester pris entre le canal supramental et le canal de sa psychologie insécure. L'individu qui rentre dans une religion, parce que l'individu est insécure, il veut connaître un Dieu qui va lui donner une sécurité là où il n'en a pas. L'individu qui recherche une démarche au niveau de l'ésotérique recherche des réponses là où il n'en a pas, pour être plus sécure. Il recherche un guérisseur, il recherche un voyant pour connaître l'avenir, il recherche des méthodes et des techniques pour pouvoir, on dit, s'améliorer. Illusion et farce, mensonge. En réalité, c'est pour pouvoir te sécuriser. Et tu seras toujours en démarche, d'école en école, de religion en religion, parce que, comme tout à l'heure je l'ai dit, ton processus d'expérience est continuel, la peur que tu vas acquérir est continuelle, donc la confiance te pousse à démarcher continuellement. L'individu qui arrive dans un processus où l'énergie supramentale peut suffisamment pénétrer à l'intérieur à son insu pour pouvoir commencer à faire vibrer l'énergie mentale, va déclencher chez l'être humain le processus de compétition entre les corps. Et là, c'est dangereux parce que l'individu se croit encore une fois supérieur aux autres. Ça crée le snobisme supramental, le snobisme ésotérique ou le snobisme évolutionnaire. Et l'individu finit même par ne plus être snob. Il veut s'améliorer et il est en colère de temps en temps par rapport à lui-même. Cette colère-là, elle est de deux ordres. L'homme peut être en colère pour exprimer un phénomène astral, pour exprimer simplement un manque de matériel pour exprimer une énergie astrale, ce qui fait que ça te frustre, et tu exprimes la colère, parce que la colère s'exprime à peu près n'importe où, c'est comme la peur. Ou l'individu peut avoir une colère qu'on appelle une colère purificatrice. La colère purificatrice, c'est la colère qui vient détruire une forme de compétition entre deux corps à l'intérieur de l'homme. Ces deux corps-là se luttent ensemble jusqu'à temps que l'individu finit par avoir un écœurement total qui va finir par déclencher une colère, mais une colère mentale. Une colère qui va être presque supramentale, une colère avec lui-même ou ce qu'il est tanné de jouer à l'enfant. Alors, je m'améliore pas, je suis pas correct. Puis, en fin de compte, maudit, je devrais... Tu viens en colère, c'est presque pas exprimable parce que tu te rends compte que tu es toujours en train de te chialer par rapport à toi-même. Il y a une compétition à l'intérieur de toi et c'est une aberration, mais c'est une preuve d'évolution. C'est le phénomène intermédiaire entre l'individu qui est dans un canal typiquement astral, sociétaire ou planétaire, et qui de temps en temps commence à vouloir dévier dans un canal supramental. L'individu qui finit par accepter la démarche supramentale, donc qui finit par accepter ce que je veux dire par là en réalité, l'individu qui finit par être accepté par la démarche supramentale. Parce que c'est pas l'homme qui accepte de prendre cette démarche-là, c'est la démarche qui accepte de prendre l'homme. C'est-à-dire que énergétiquement parlant, elle t'attire un petit peu. Quand tu te transformes suffisamment, pas par le désir, laisse cette énergie-là te transformer, elle va finir par avoir une meilleure emprise sur toi et elle va t'attirer, donc se pénétrer dans l'énergie supramentale. Tu vas avoir l'Esprit Saint, le savoir instantané. Ce qui fait que si tu es accepté par l'énergie supramentale, c'est que tu as suffisamment de phénomène d'aimantation au niveau de ton astral qui va être transformé. Tu ne pourras plus être assujetti à l'astral planétaire, donc tu ne seras plus dans une démarche de compétition, dans une démarche d'interrelation. La démarche de l'astral est une démarche mémorielle. Alors, si c'est une démarche mémorielle, il y a toujours comparaison. Comparaison entre le phénomène réel et le phénomène mémoriel, parce qu'on sait que l'homme, la psychologie de l'astral, essaie toujours d'expliquer le présent de par le passé. Alors, ce qui fait que tu auras toujours une démarche de compétition et tu seras toujours en quête de cette confiance, en quête de cette sécurité, donc en fuite de tout l'extérieur. Et faire une quête pour fuir, comme si on regarde les chevaliers de la table ronde qui recherchaient le Graal, pour régler des problèmes. On avait la quête du Graal pour la fuite des problèmes qui étaient inhérents à l'époque, disons, du prince Arthur et du mage Merlin en Angleterre. C'est toujours un processus qui est dangereux, destructeur. Regarde le nombre d'individus qui sont arrivés à trouver le Graal, justement. Il n'y a eu rien qu'un sur toute une chevalerie complète. Alors, tu as toujours un processus où une masse est écrasée et détruite pour une élite qui va sortir. Si tu vas au niveau d'une quête de type astral, c'est-à-dire que tu es relié à l'astral, il y aura toujours compétition parce que tu es mémoriel. Tu es dans un monde mémoriel où il y aura toujours comparaison entre le vivant que seule l'énergie supramentale et mentale supérieure vont être capables de connaître et que tout le reste ne pourra pas connaître. Quand tu arrives à suffisamment faire de colère pour détruire la compétition entre tes corps, tu finis par non pas fusionner ces corps-là, mais tu les joins avec une espèce de ciment qui leur permet d'être en relation harmonieuse. Et automatiquement, l'énergie, disons, de type supramental, va être capable, par l'intermédiaire d'un corps, de rayonner dans le reste des corps, et il n'y aura plus compétition parce que chacun saura l'utilité de son objet. On regarde un conférencier et on dit, lui, il est stupide parce qu'il est spirituel. Alors vraiment, du monde de même, on se demande comment ça existe encore. Ce conférencier-là est peut-être un être presque en fusion, qui, connaissant le besoin de la population sur la Terre ou le besoin d'un certain public, décide ou est obligé par l'énergie supramentale de faire le travail de conférencier pour une classe de gens de type très spirituel. Alors, les individus qui sont supposément conscientisés et qui sont en lutte par rapport à eux-mêmes, mais qui ne le savent pas, vont juger ce conférencier-là comme étant une aberration sur Terre, parce qu'eux autres, s'ils en savent bien plus que lui, parce que voyons donc, qu'est-ce qu'il y a à faire de lui? Ben, vois-tu, c'est qu'il n'y a pas 15, il n'y a pas 1500 ou 2000 individus sur la Terre. Il y en a 4 850 millions. Alors, ce qui fait qu'on a besoin de différents individus pour différentes missions. L'individu qui arrive, justement, à pouvoir connaître le plan astral, là où il est limité et là où il est utile. Le plan de sa psychologie, là où il est limité et là où il est utile. Et les autres plans, comme ils sont et tels qu'ils sont. S'ouvertura donc à faire travailler ces quatre plans-là pour les développer, les quatre ou les cinq, s'ils commencent à travailler au niveau supramental, d'une manière coordonnée pour ne pas risquer, par une compétition interne, d'arriver à développer des élites dans des certaines formes d'énergie, d'expressivité de son énergie, et ce qui va l'obliger un jour à devoir faire un retour en arrière pour pouvoir s'occuper de tout ce qui le laissait tomber. On parle souvent du retour aux enfers que le Nazaréen a fait, c'est cet état-là. Si on regarde simplement que dans une classe, je fais travailler la masse, puis je laisse tomber le reste. Un jour, la société est obligée de s'occuper du reste, de leur trouver des emplois, quitte même à subventionner puis à créer des emplois inutiles, à leur donner de l'argent pour les laisser chez eux, pas qu'ils traînent dans la rue, parce qu'il faut qu'on les enjambe quand on marche, puis nous, les riches, on n'aime pas ça. Alors, on leur donne un peu d'argent, puis ils restent chez eux. Bon. On leur paye des vues de temps en temps, puis des Michael Jackson, puis on a la paix. Bon, ça, ça va. On ne les aide pas. On ne fait qu'entretenir un phénomène parce qu'on a une élite. Mais même si on a une élite, on est toujours obligé un jour de faire un retour aux enfers et de devoir mater une révolution, une guerre civile. Parce que les guerres civiles, c'est la masse qui le faisait. La masse imbécile non instruite que tu ne voulais pas instruire, que les gouvernements ne voulaient pas instruire. Où tu as des manifestations pour avoir des choses, et tu t'es jamais occupé de ces gens-là. Tu t'es occupé de ton élite. Mais l'élite, ben après ça, l'énergie que tu voulais qu'elle exprime, elle est obligée d'attendre puis d'exprimer une énergie de contrôle des masses. Les gouvernements font toujours ça. Tu prends un gouvernement qui a des vaches de bonnes idées. On réussit à le placer au pouvoir. Une fois au pouvoir, ben il regarde en bas puis toutes ses idées, c'est inaccessible. Si on prend l'idée du gouvernement québécois, t'as du monde qui, avant d'être élu, sont extraordinaires, puis une fois en place, tout ce qu'ils ont besoin n'existe pas. Mais dans le peuple, ils le croyaient. Une fois en haut, il y a des structures, il n'y a plus rien. Tu es l'élite. Mais quand tu étais dans la population, tu étais dans la masse. Une fois que tu es l'élite, la masse n'est plus avec toi. Et la masse, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus te comprendre, tu dois travailler tout seul. Ce qui fait que lentement, tu te désagrèges. Ce qui est le cas de tous les gouvernements qui ont le moindrement d'allure, qui montent au pouvoir. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que dans n'importe quelle compétition chez l'homme, comme une compétition versus l'extérieur, tu as trois enfants dont un génie, occupe-toi juste de lui. À un moment donné, ben, tu as tes deux autres enfants qui décident qu'ils te mettent à la porte chez vous, ou qui décident qu'ils t'assemblent, ou qui ont fait un vol, faut aller au poste de police. Ceux que tu t'es pas occupé, faut que tu t'en occupes, faut que tu oublies ton génie. Tout ce qui est en toi, c'est pareil. Tu développes un phénomène extraordinaire, puis tout d'un coup, ton enfant veut se suicider. Qu'est-ce que tu fais? Tout le reste, tu n'as jamais communiqué avec. Tu es une élite. Tu es un inutile. Et les compétitions intérieures amènent l'homme à être inutile dans l'évolution. Peut-être un petit aspect qu'on n'a pas parlé, c'est de la souffrance que crée la quête de la compétition. Je regardais cette semaine un séchoir à fruits. Ça me faisait penser à quelque chose, c'est que ces fruits-là étaient, ils rapetissaient de volume d'à peu près 6 fois, puis quand tu les remettais dans l'eau, après ça, ils reprenaient leur volume initial. Tu sais. Ça me faisait penser à l'homme, finalement, que quand on cherche la connaissance ordinaire, tu veux, la connaissance livresque, on sèche un peu. Puis quand tu commences à toucher à cette nouvelle énergie-là, c'est comme si tu prends du volume, mais là, il y a des formes qui sautent, mais ce n'est pas toi nécessairement qui les fait sauter. Ce n'est pas tout à fait la même souffrance que la souffrance de la compétition. Tu pourrais-tu parler de ces deux souffrances? Mais la première souffrance que tu aurais à l'intérieur de toi, c'est la souffrance par rapport à la désillusion que tu as, toi, avec ce que tu aimerais que l'extérieur soit, et ce qui est à l'extérieur. Alors, ce qui fait que tu n'as pas ce que tu veux, tu souffres. Tu perds ce que tu voulais garder, tu souffres. Tu as quelque chose, tu as peur qu'à un moment donné, ça s'en aille. Effectivement, ça s'en va vu que c'est temporel. Alors, ce qui fait que la première souffrance, la plus grosse, va être celle que tu vas avoir quand tu vas comparer l'idée que tu as de ce que devrait être l'extérieur et ce qu'il est dans sa réalité. Alors, c'est la première souffrance chez l'homme. Là, ça comprend la souffrance physique, ça comprend n'importe quelle souffrance. La deuxième souffrance, c'est quand l'homme lui-même se fait sculpter par l'énergie supramentale. Alors, c'est plus un contexte de comparaison entre une idée que tu voudrais que soit la réalité et ce que tu découvres qu'elle est. Tu veux qu'il fasse soleil, il pleut, tu vas souffrir. Si tu es un cultivateur, si tu fais du pouce, tu veux que ta mère vive, elle meurt, tu souffres. Bon, alors tu as une idée de ce que tu voudrais, là tu vas souffrir. Mais la deuxième sorte, tu n'as pas de désir. Tu peux avoir une peur, tu peux désirer ne pas vouloir évoluer parce que ça fait mal. Tu vas souffrir encore plus parce que tu vas évoluer pareil, tu n'as pas le choix. Tu es attiré par un faisceau d'énergie de type astral ou de type supramental, mais tu ne veux pas, tu y vas. Alors ce qui va arriver, c'est que la deuxième forme de souffrance, c'est celle qui va être opérée par un sculptage. Alors, tu dois avoir des désillusions données en leçon par la vie ou par l'énergie supramentale pour t'obliger à te transformer. C'est-à-dire qu'en réalité, tu te transformes, donc automatiquement, il y a des morceaux qui ne peuvent plus tenir là. L'énergie nouvelle, qu'est-ce qui souffre? Tu ne souffres pas longtemps quand tu souffres intelligemment. Tu es un morceau, disons, une pomme avec un petit peu de ciment pris après. Alors, le ciment et la pomme, prenons un verre. Le verre et la pomme sont intimement reliés, ce qui fait que si le verre souffre, la pomme finit par souffrir. Dans sa réalité présente, c'est pas comme ça, mais ça se donne au niveau de la psychologie de l'homme. Alors, ce qui arrive, c'est que quand une nouvelle énergie descend à l'intérieur, le verre est expulsé à l'extérieur. Et le verre va souffrir le temps qu'il est expulsé, donc il fait souffrir la pomme, et du moment que le verre est rejeté à l'extérieur, le verre continue à souffrir, mais plus la pomme. Alors, ce qui va arriver, c'est que toi, dans ta psychologie, l'énergie descend en toi, dans la forme de ta psychologie la plus similaire à celle de l'énergie descendante, elle va être transformée par l'énergie descendante et le reste va être expulsé à l'extérieur. Il va y avoir souffrance intelligente. Le temps où le morceau qui est pas en vibration, en résonance vibratoire, avec le gros de ton entité, le gros de toi-même, il y a une souffrance quand c'est en train d'être expulsé. Une fois que c'est expulsé, dans l'astral planétaire, cette souffrance-là se poursuit. Le verre continue à souffrir à l'extérieur de la pomme. Mais chez l'être qui vient d'être purifié, la souffrance disparaît instantanément. Si la psychologie astrale s'en mêle, donc s'il y a mémoire, il va automatiquement y avoir lutte contre l'expulsion de l'objet pour ne pas perdre cette mémoire de l'objet. Tu perds cette morceau de ta psychologie, tu perds donc une parcelle de toi. Mais une parcelle de toi qui ne peut pas faire partie du nouveau toi. Quand tu renais une deuxième fois, tout ce qui ne peut pas renaître avec toi doit être expulsé. Si ton corps physique doit disparaître, il va disparaître. Tu vas mourir pour renaître dans un autre monde. Si tu peux garder ton corps physique, donc si tu as réussi à augmenter ou à harmoniser le schéma vibratoire de tous tes corps, tu vas pouvoir devenir un nouvel homme, mais tu n'auras pas nécessairement à perdre de gros morceaux comme un corps complet. Mais il y a des particules qui peuvent devoir, qui doivent s'en aller et qui peuvent devoir réellement décoller en amenant une souffrance lorsqu'elle se retient et lorsque tu la retiens. L'énergie supramentale passe, vient couper ça, c'est éliminé. La parcelle éliminée, elle continue à souffrir, mais va amener sa souffrance dans l'astral. Ce qui va avoir comme résultat d'énergiser l'astral et de donner l'idée à un individu en train de se conscientiser, en train de recevoir l'énergie, que ça peut être très souffrant. Ça peut amplifier la souffrance chez un individu qui pourrait être manipulé par une forme d'énergie de ce genre-là. Alors, ce qui est éliminé de toi dans l'astral poursuit sa souffrance, mais pas toi. Sauf si tu te retiens avec. Tu gardes une mémoire de l'objet, tu vas de temps en temps avoir une nostalgie de l'état où tu étais. Comme celui qui quitte son pays, qui découvre un pays meilleur, mais 10 ans après, il peut avoir une nostalgie de son pays. même si c'est un pays qui était en guerre, un pays qui était à feu et à sang, à un moment donné, tu as toujours une nostalgie. Alors, dans l'évolution, il peut se passer les mêmes phénomènes, et ces phénomènes-là, dans l'évolution, sont des phénomènes qui sont réellement évolutifs, parce qu'ils rapprochent l'objet qui a été expulsé de toi. Ils peuvent même aller jusqu'à la replacer après toi. Alors, ce que tu as gagné, tu le repères. Okay. C'est comme un processus de succion, finalement, qui... OK, on tombe dans la compétition des arts martiaux. Que pensez-vous de Bruce Lee? Était-il en contact avec une énergie particulière? Comment expliquer sa compétition? Bon, alors, si on parle de Bruce Lee, on va parler, disons, un peu donc des arts martiaux. Bruce Lee était en compétition pendant longtemps, au même titre que Muhammad Ali ou Cassius Lee, qui était le même bonhomme. Une compétition égoïque, en ce sens que lui se croyait à être le meilleur. Mais ce qui lui est arrivé, l'art qu'il pratiquait étant différent de la boxe, son cerveau n'a pas été détruit à force de manger des coups, ce qui est le cas de Muhammad Ali qui commence à avoir une espèce de maladie de Parkinson, plus différents problèmes mentaux. Alors, Bruce Lee il était convaincu qu'il était le meilleur sur la Terre au niveau du corps physique, donc, et du combat. Mais ce qui lui est arrivé une affaire absolument terrible, c'est qu'effectivement, il était le meilleur. Et il est devenu le meilleur. Il a donc découvert que ce qu'il croyait, c'était vrai. Et puis ça, c'est renversant, c'est bouleversant chez un individu. Tu as toujours la croyance que tu vas rencontrer Dieu un jour, mais la journée que tu rentres contre Dieu, tu te sauves. Mais si c'est toi qui es le meilleur, où veux-tu te sauver? Alors, il n'y a pas le choix. Quand tu rencontres une énergie ou quand tu arrives à un sommet où il n'y a plus de supérieur, tu es le meilleur, tu dois faire deux choses. Tu te suicides parce que simplement que tu n'as plus de compétition et n'étant qu'un être de compétition, où elle est la compétition? Elle est exactement comme dans le paradis céleste, le paradis dans le ciel, celui qu'on nous promet à notre mort. Un paradis où, rendu là, il n'y a plus de compétition. Alors, tu n'as plus faim. Tu as tout ce que tu veux. Ou tout ce que tu ne veux pas avoir, ben, tu l'élimines. Il n'y a plus de compétition. Et instantanément, la psychologie de l'homme qui vit dans un phénomène compétitif se dit, mais ça va être plate en maudit au paradis. Mais ce paradis-là n'existe pas comme on le pense. Puis, de toute façon, le paradis, il n'est pas dans l'astral planétaire. Il n'est pas au ciel, puis il n'est pas sur la Terre. Bon. C'est un état, c'est pas un endroit. Un état d'être, c'est pas un endroit. Alors, Bruce Lee, quand il est arrivé à l'état summum, où il a été capable de prendre des individus, des champions de karaté mondiaux, ceux qui étaient reconnus comme étant les meilleurs, de leur demander de venir tourner un film avec lui et de se faire battre par lui dans le film. Pour que ces individus-là, qui étaient les meilleurs, qui étaient comme 7 fois champions mondiaux de karaté, Chuck Norris, qui étaient comme différents individus qui ont été se battre là, des champions en taekwondo, des champions en kendo, technique du sabre, etc., pour que eux autres viennent se battre dans un film avec lui et en public se fassent battre par Bruce Lee, il a fallu avant que Bruce Lee les batte pour le vrai, ou leur prouve que réellement il était supérieur. Il n'avait plus de compétition possible. Il n'avait qu'une chose, exprimer une énergie de puissance. Cette énergie de puissance, elle n'a pas eu le choix. Bruce Lee, c'est un être, disons, différent de ce que la publicité a voulu nous faire connaître. C'est un être différent de tout ce que l'on connaît. C'est un être qui, déjà, pendant son enfance, a été en contact avec un individu qui est connu dans la cosmogonie d'Urantia, un individu qui lui a amené une forme d'énergie, énergie qui lui a permis, lui, d'arriver à perfectionner, disons, l'art martial, l'art de combat réel avec lui-même, à un point tel que l'art de combat qu'il pratiquait a opéré chez lui une mutation de ses neurones, une mutation de sa psychologie et une mutation de ses corps vital et corps physique. Alors, ce qui fait que l'énergie amenée par l'initiateur d'Abraham, quand Bruce Lee l'a rencontré, lui a donné la capacité, justement, de comprendre des canalisations d'énergie et par une pratique d'art martial poussée à son extrême, arriver à pouvoir se transformer, donc muter. Parce que les arts de combat qu'on pratique au Québec ou dans le monde ne sont que des sports de combat ou des sports de cassage de gueule. Bon, ou des techniques d'autodéfense. Mais ce ne sont pas des arts de combat. L'art, c'est quand tu prends quelque chose de banal et que tu l'amènes à un summum. Et le terme art martial ou art de combat, martial voulant dire guerrier, militaire, qui c'était des techniques martiales. Et quand certains individus, en contact avec des énergies supérieures, comme Lao Tzu, comme Kung Fu Xiu, ont transformé la technique martiale pour faire en sorte que l'individu se batte contre lui-même, mais pas en ce sens que l'individu arrive à une compétition où il va devoir prendre un concept et le faire battre contre un autre concept. L'individu qui pratique un art de combat, donc arrive à placer ça au niveau de l'art, et non pas au niveau d'une simple technique, ce que Bruce Lee a fait, arrive à pouvoir se perfectionner lui, dans une technique où il va obliger le corps physique à travailler par des coups, par des déplacements circulaires, comme on a en aïkido, comme on a en tai chi, comme on a en judo, par des mouvements où il devra contrôler son corps, contrôler l'énergie qui s'appelle le ki, on a en aïkido, qu'on a en ki-ai, l'énergie vitale de l'être humain, celui qui permet à ses cellules de rester en vie. L'énergie vitale permet aussi la transformation neurologique de l'être humain, transformation musculaire, transformation des nerfs, transformation des neurones et de toutes les cellules cérébrales qui ne sont pas des neurones et qui côtoient les neurones. Cellules que la médecine ne connaît pas, ne sait même pas à quoi ça sert. Ces cellules-là ont une utilité extraordinaire, c'est qu'au lieu d'être liées au plan astral comme le sont les neurones et au plan mental, c'est des cellules qui vont se mettre en marche reliées au plan supramental. Alors disons, revenons à Bruce Lee. La technique même de pratique de l'art martial, quand tu travailles ton corps, tu finis par obliger le processus mental à découvrir ce qui se passe dans le corps physique. Donc, tu obliges le cerveau à devoir faire de nouvelles connexions neurologiques pour pouvoir, à un moment donné, contrôler le corps physique d'une manière plus adéquate. Plus un individu se pratique à faire quelque chose de précis, plus il devient précis. Mais plus il devient précis, plus sa pensée devient précise. Plus l'individu arrive à être en équilibre physiquement, il va aussi opérer un équilibre psychologique. Alors, plus l'individu arrive par une technique particulière, comme ce que Kung Fu Xiu, le premier, a amené en Chine, dans le temple Shaolin, ce qui s'appelait le Kempo et qui est devenu par après le Kung Fu, et on a ressorti du Kung Fu le Tai Chi Chuan ou Tai Chi Chuan, OK, Chi, qui est l'énergie vitale, qui est une technique similaire au yoga, mais qui a comme avantage de développer le cœur en épaisseur, ce qu'aucun autre sport va faire. Alors, l'art martial, tel que lui l'a pratiqué, il l'a pratiqué à sa façon parce qu'il a été énergisé par un Melchizedek. Et Bruce Lee a donc travaillé son art. Il a vécu, il était capable de monopoliser tout ce qu'il y avait comme contingent martial sur la planète Terre en termes de technique. Il a pu mettre à ses pieds les meilleurs pratiquants, les meilleurs championnats, compétiteurs de ces arts-là sur la Terre. Et il en est arrivé à un point tel où, ben, dans les vues qu'on a vues, tout ce qu'on peut voir, évidemment, c'est du sang qui bat tout le monde. Je veux dire, c'est un résultat, c'est comme l'alchimie, l'art martial. Ceux qui voient l'alchimie comme étant simplement faire de l'art pour acheter ce qu'on veut, il y a eu plein d'alchimistes comme ça. Ceux-là étaient des personnes qui n'avaient rien compris à l'alchimie véritable et qui n'avaient vu que l'alchimie physique. Ce qui est le cas pour toutes les écoles d'art martiaux qu'on a sur la planète Terre, ou presque. Ils n'ont vu que le résultat matériel, le résultat d'efficacité en termes d'autodéfense ou en termes d'expressivité de ton orgueil. Mais l'art martial, ça c'est des sports de combat, des sports martiaux. L'art martial raffine l'homme à un point tel que l'homme n'a plus besoin de se battre avec l'extérieur. L'homme découvre la réelle quête de quelque chose dans la perfection de son corps physique, ce que l'alchimie va faire aussi par un processus peut-être plus chimique. Alors Bruce Lee est arrivé à un point, et il avait été averti par ce messager-là, qu'il a rencontré lorsqu'il était jeune, qu'un jour il devrait mourir ou disparaître. Parce qu'il devrait, il va devoir exprimer une énergie qui ne sera pas une énergie de compétition. Lui, il n'a pas pu comprendre à l'époque, il ne visait que la compétition. Mais il est arrivé au summum, non pas seulement dans le résultat matériel, mais dans la réelle alchimie de l'art martial, celle où réellement tu deviens un surhomme. Et ce surhomme-là, ben on l'a vendu dans tous les marchés, puis on a ouvert les écoles d'art martial, surtout de karaté, pour dire au monde qu'ils vont devenir des surhommes et des surfemmes. Non, tu deviens sous-homme et sous-femme parce que tu vas là parce que tu as peur de te faire attaquer. Et quand tu fais une démarche alchimique ou martiale au niveau de l'art pour fuir ou pour compenser une lacune, tu n'arrives à rien. D'ailleurs, Bruce Lee, genre en fouillant dans des mémoires, Bruce Lee a déjà dit lui aussi que l'être humain, dans la technique de combat, s'il avait un bon coup de poing ou un bon mouvement, il ne perfectionnait que celui-là en compétition. Alors que l'être qui veut devenir parfait en art de combat devrait pratiquer son bon mouvement et développer tous ceux qui l'ont pas bon parce qu'il n'arrivera jamais à être efficace dans un véritable combat. Ce qui est, en essence, ce que j'ai dit au niveau de la compétition, où tu ne dois pas avoir une élite, ni dans une technique, ni dans ta pensée, ni dans une société. Alors Bruce Lee n'est pas mort comme on le pense. Le corps qu'on a autopsié, il n'était pas le corps de Bruce Lee, et Bruce Lee s'est retiré dans la jungle. Bruce Lee s'est caché parce que présentement, il a une mission à faire, c'est-à-dire pour lui-même. Il a finalisé certains phénomènes et il va revenir dans la société, pas sous le nom de Bruce Lee, mais sous un nom absolument anonyme. Disons que Bruce Lee a passé par des phénomènes initiatiques de haute initiation, des initiations qui sont presque terminales sur la Terre. Les individus qui sont passés par les mêmes initiations que lui, on a eu Lazare ou le comte de Saint-Germain, on a eu le Nazaréen, on a eu quelques autres que je ne vais pas nommer parce qu'ils sont présentement plus près du Québec que l'on peut penser. Ces individus-là sont passés par une initiation de feu solaire, terminante ou presque terminante, disons la sixième initiation, tu as une septième, il y a juste un Nazaréen qui l'a eu jusqu'à date et qui l'a réussi. Bruce Lee a eu une initiation, il a rencontré un être, un catalyseur, un Melchizedek. D'ailleurs, le même Melchizedek qui a rencontré Abraham. Et il a perfectionné certaines choses pour arriver à lui devenir une espèce d'outil pour permettre à des formes d'énergie de pouvoir s'exprimer sur la planète Terre. Le Nazaréen, dans son passage pour lui-même, a créé dans l'astral une forme d'énergie. Lazare ou le comte de Saint-Germain ont créé les mêmes phénomènes. D'ailleurs, le comte de Saint-Germain, lui, a travaillé surtout au niveau de l'énergisation du phénomène astral. Présentement, on a lui et un autre individu sur la planète Terre qui vont s'occuper de détruire l'astral, c'est-à-dire de subtiliser l'astral, comme on en a parlé à la dernière conférence. Alors, si on regarde Bruce Lee au niveau de la compétition, il était l'expressivité même de la compétition extérieure-intérieure et intérieure totale au niveau de ses corps. Jusqu'à un moment donné où, là, on laisse tomber les vues de Bruce Lee, où ce qu'il exprimait, ce que le réalisateur voulait bien exprimer, la puissance animale même d'un surhomme qui contrôle lui, donc son émotivité, donc une compétition intérieure, et qui contrôle tout l'extérieur, donc compétition à l'extérieur. Ça, c'est dans les films. Il a été ça. Il n'était plus ça vers la fin. Et Bruce Lee, d'ailleurs, a déjà écrit un scénario qui est extraordinaire au niveau des arts martiaux. C'est le seul film qui a été tourné qui réellement exprime l'art de combat. Et c'est La Flûte silencieuse. Lui, il devait le tourner. Il est disparu avant. Et c'est David Carradine qui l'a tourné avec un autre. Celui qui était la vedette de l'émission Kung Fu à la télévision. Bon. Alors, ce film-là, il a été traduit en français sous le terme le cercle de feu. Ou le cercle de fer. Alors, donc, ça ne joue plus à la télévision parce qu'il n'y avait pas suffisamment assez de cassage de gueule dedans. Mais c'était réellement un film initiatique au plus haut point. Où le combat n'était que facultatif, mais avait été intelligent quand il y avait lieu. Et puis, c'était un aboutissement absolument terrible. Dans l'évolution. C'est un film plus puissant que Jonathan Livingston puis qui a réveillé énormément de monde. Alors, la compétition, dans le terme de Bruce Lee ou des arts martiaux, un art de combat, c'est de l'alchimie. Mais de l'alchimie qui demande pas nécessairement de passer par un processus mental. Des individus qui peuvent le faire le font. Les individus qui ne peuvent pas peuvent passer par un processus physique. Ils ont tous un corps physique suffisamment adéquat. Sinon, on a des méthodes de conditionnement physique reliées à certains arts qui vont amener leur corps physique dans un état suffisamment adéquat pour, après ça, opérer un processus de mutation de la même façon, justement, que Bruce Lee l'a pu le vivre et comme plusieurs ont pu le vivre. Parce que les moines Shaolin et Kung Fu Su, le Tao et le Wiking est basé justement sur, de façon, a été développé par des arts, des pratiquants de l'art de combat. Mais là, je ne parle pas de l'art guerrier. Alors, Bruce Lee a été un compétiteur, il n'est plus un compétiteur, il n'est pas mort non plus. Il est disparu à 33 ans, il n'est pas mort à 33 ans. C'est pas le seul qui disparaît à 33 ans, mais il n'est pas mort non plus à 33 ans. D'accord? Alors, disons qu'on ne parlera pas trop de son phénomène ésotérique ce soir, on va à un moment donné en reparler. C'est un cas très intéressant d'ailleurs que tu soumettais là. Alors, un jour, on en reviendra sur Bruce Lee, qui est un initié, mais qui a dû énergiser l'astral dans un domaine, celui de la colère, celui de l'agressivité, mais surtout celui de l'efficacité dans le domaine de la matière. Les films expriment l'efficacité par les poings, mais il y a les derniers films, enfin pas les premiers films, les derniers films qu'il a fait expriment aussi une philosophie, expriment quelque chose d'autre, et lui, les films, c'était plus son moyen d'expression. Pourquoi? Parce que l'expression a dû être détruite. Bruce Lee ne peut pas continuer à s'exprimer par la pellicule parce que toutes les écoles, le résultat d'impression sur la population est un résultat qui a été, disons, l'astral normal de la masse est approprié pour lancer un ordre d'autodéfense dans une société où tu peux pas bloquer une balle de fusil de ton poing. Alors, ce qui fait que le système d'autodéfense, disons, était inadéquat. On avait suffisamment d'écoles déjà présentement avec des techniques suffisantes. Alors, donc, il a été, retiré de l'expressivité de l'écran par des énergies. Il mourait ou il disparaissait, ce qui était la même chose par rapport à la population. Il fallait plus qu'il soit là. Alors, disons qu'il est mort, mais il est vivant, et puis il ne compétitionne plus. Il a passé par l'étape de la compétition extérieure, l'étape de la compétition intérieure, jusqu'à l'art, l'art de combat dans son cas, où plus aucune compétition, plus de compétiteurs. Mais plus de compétiteurs, ça ne veut pas dire que tu es en haut de la pyramide. Veut dire que tu te juges, toi, de par toi-même. Pas de par des concepts que tu as dans ta psychologie. De par une chose intelligente, intellectuelle ou supramentale et une réalité. J'ai pas pu monter plus vite les marches. Pas une poire. Si tu regardes juste au niveau des arts martiaux, on parle de Bruce Lee, Jigoro Kano avait dit qu'une défaite n'était simplement que l'expression du fait que tu avais encore à t'améliorer. Et que regretter une défaite était une deuxième erreur. Et c'est des arts martiaux. Les arts. Donc, il est un exemple de quelqu'un qui a concrétisé la vitesse de l'esprit dans la matière. Puis plus que ça aussi, l'harmonie. OK. Quelle est l'importance de se situer par rapport à l'évolution? Signé Claude. Bon. Se situer par rapport à l'évolution, ça n'a aucune importance. Mais là, suivez-moi bien. Qu'est-ce que l'évolution? Alors, comment se situer? Est-ce qu'on se transforme ou non? Donc, est-ce que j'évolue ou si je n'évolue pas? On pourrait dire se situer par rapport à là. La régression chez l'homme est évolutionnaire. Et l'évolution chez l'homme est évolutionnaire, mais plus souvent involutionnaire. L'individu qui, pendant un certain temps, régresse ou a l'impression de régresser, ou encore l'extérieur lui dit qu'il régresse, parce que l'extérieur se mêle aussi de situer de ton évolution. Alors cet individu-là ne fait que vivre un phénomène qui va le relancer plus loin. Mais l'individu qui tient à se situer dans l'évolution, qui tient à voir s'il évolue, il est en compétition par rapport à lui-même et par rapport à l'extérieur, parce que pour se situer par rapport à l'évolution lui-même, il devra se comparer à l'extérieur. Il n'y a aucun moyen de se situer dans l'évolution, l'évolution elle est psychologique, dans l'évolution, qu'en regardant par rapport à l'extérieur. Je comprends plus ce qu'il dit, Je comprends plus ce que je lis. Il y a déjà une relation avec l'extérieur qui va amener l'individu à détecter un jour. Mais à un moment donné, je comprenais tout, puis là, je comprends plus. Donc, j'ai l'impression que j'évolue, que j'évolue. Donc, l'individu arrive tout de suite à lentement ancrer en lui un phénomène conscient ou inconscient qui va le relancer sur le chemin de la compétition par rapport à lui-même ou même par rapport à l'extérieur. Bon, en soi, lui comprend tout le temps, il n'a rien compris, j'ai compris. Fait que ça va mieux. Il y a bien des processus qui sont dans le domaine de l'inconscient, mais qui relancent toujours l'individu sur le phénomène de la compétition. Se situer par rapport à l'évolution veut dire se sécuriser par rapport à un processus dans lequel on démarche. Alors, je suis sécurisé si j'ai l'impression que j'évolue, ou je suis sécurisé si je suis rendu à tel niveau d'évolution. Même si on n'a pas d'orgueil ou de snobisme exprimé par la situation au niveau de notre évolution, on veut se sécuriser. Et dans l'évolution, il n'y a pas de sécurité. Jamais un initié va se demander où il est placé. Et jamais il ne comparera à personne. Se situer, l'importance de se situer dans notre évolution, elle n'existe pas. C'est un danger, c'est un piège. Voyez-vous, vous devriez être capable de vivre l'instant présent, disons jour après jour, mais sans nécessairement avoir à savoir si ce que vous faites ou vous avez fait était meilleur ou moins bon, ou était digne d'une personne évoluée, ou quoi que ce soit. Laissez-vous simplement aller. Il y a des transformations qui vont se faire. Vous allez découvrir des choses. Tout ce que vous découvrez qui démarre chez vous une transformation, voyez-le comme étant naturel, comme étant tout à fait normal. Alors, vous ne le verrez pas comme étant un moyen de vous tuer. Je viens de m'améliorer, donc c'est anormal. C'est pas naturel. C'est nouveau pour vous. Et on exprime plus par cette énergie-là le fait que c'est anormal. Donc, je devrais être normal. Alors, on risque de se freiner et on risque aussi de déguster la normalité, de la supériorité, donc de l'avancement, pour se relancer encore en compétition. Je suis capable de faire bouger un objet à distance, télékinésie. Calculez ça comme étant normal. Dites-vous pas que vous ne l'avez jamais fait et que vous venez d'avancer. Ce n'est pas un symptôme d'évolution, c'est un symptôme de télékinésie. L'enfant qui se met à sauter, il pense qu'il est rendu un dieu. C'est un symptôme bien normal. Même l'individu qui ne marche jamais se met à marcher, mais qu'il voit donc ça comme étant normal. Il va attirer à lui beaucoup plus de processus anormaux qu'il devra toujours voir comme étant normal, parce qu'il n'aura pas l'idée que c'est anormal en trouvant ça. Je fais bouger ça, c'est incroyable. La première fois que j'ai rencontré un chevreuil dans le bois, j'ai tellement été ébloui par le chevreuil qui était près de moi et qui broutait, que j'ai émis suffisamment d'anormalité dans mon expression qu'il m'a repéré puis s'est sauvé. Alors, j'ai pas délecté longtemps, dégusté longtemps. Une autre fois, j'ai vu trois chevreuils. Je suis apparu, je les ai vus. Je me suis retourné vers un de mes amis, puis je lui ai dit, viens vite voir, il y a trois chevreuils. Ben, il y a vu trois queues qui s'en allaient. Bon. Un autre moment donné, j'en ai revu un autre. Puis je l'ai regardé, puis j'en ai profité pour trouver ça beau. Puis j'ai continué, puis j'ai laissé là. Puis c'est la première fois qu'il ne s'est pas sauvé. Parce qu'il ne s'est rien passé. Mon énergie exprime de la sécurité pour les animaux dans le bois. Donc j'ai une très grosse affinité avec les animaux. Mais, exprimant cela, le chevreuil était déjà bien parce qu'il ne captait rien. D'un coup, il capte quelque chose d'encore mieux. Mais il ne capte pas d'anormalité. Il n'y a rien d'exprimé. Alors ce qui fait que je le regarde, puis je continue. N'importe qui aurait dit, ouais, mais t'as manqué l'occasion de le voir. J'ai rien manqué du tout, parce que j'en ai revu par après. C'était normal pour moi de tomber nez à nez avec un chevreuil qui ne se sauve pas. Normal, même la première fois, c'était normal. Et c'est pour ça que ça a été normal. Parce que c'était normal. Alors, l'individu qui se situe dans son évolution, les animaux ont peur de lui, d'un coup, les animaux l'aiment. Il part en criant, puis ça va le dire à tout le monde, ou bien non, il se le dit à l'intérieur de lui-même, crée le phénomène de constatation par sa psychologie de la normalité du cas, de l'événement. Alors, se situer dans l'évolution, ça ne sert à rien, et ça ne peut qu'engendrer, réengendrer ou augmenter le processus de la compétition, ce qui n'est vraiment pas l'état désiré pour l'homme. Puis une autre question, peux-tu expliquer comment une personne peut évoluer sans qu'il y ait compétition avec soi-même? J'ai pas besoin de l'expliquer, c'est évident qu'elle va évoluer. Il faudrait plutôt expliquer ce que j'ai fait, pourquoi qu'elle n'évoluera pas, ce que j'ai déjà fait. La compétition avec soi-même, c'est simplement que vous compétitionnez votre effectivité, votre expressivité à partir de concepts que vous avez. Alors, j'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Je vais donc m'améliorer pour arriver au point où je vais faire ce que j'ai comme idée que je devrais faire. Si votre idée n'est pas bonne, ben, je m'améliorerai pareil jusqu'à temps que je sois plus bon pantoute, que je ferai exactement ce qui est mon concept. Les individus qui ont comme concept, puis dites-moi pas, oui, mais eux autres, ils n'ont pas compris, c'est le même processus. Ils luttent avec eux-mêmes. L'individu qui fait des poids et à terre, puis qui devrait arriver à lever 600 livres, ben, à un moment donné, il se promène comme ça, parce que les muscles sont suffisamment développés qu'il ne peut plus les accoter comme nous autres. Il ne peut plus lever son bras comme ça, parce que ses deltoïdes l'empêchent de fonctionner comme il faut. Il y a un paquet de phénomènes qui va se passer au niveau de sa vie, et en vieillissant, parce qu'il ne pourra pas continuer, parce que gonfler des muscles et les entretenir en leur donnant de la force, c'est différent. Mais l'individu s'améliorait. L'individu est en compétition avec lui-même, et l'individu croyait réellement qu'il se développait. Mais il ne faisait rien d'autre qu'exprimer une compétition évolutive dans sa psychologie, pas dans la réalité. Alors, l'être qui veut devenir de plus en plus en paix peut faire des manifestations non violentes, peut se laisser violer ou se laisser tuer sur le coin de la rue. Mais cet être-là va à l'encontre de l'évolution même de la planète Terre, où tu dois premièrement rester en vie pour opérer une transformation dans... Mais fait. Une transformation dans ta psychologie, dans toi-même, qui va rayonner à l'extérieur de toi pour transformer l'extérieur. Et l'extérieur étant transformé, ça va te permettre un cadre où tu vas pouvoir encore plus te transformer pour continuer à retransformer l'extérieur qui va te donner la possibilité de continuer. Si tu meurs, tu transformes quoi? Ceux qui meurent pour une cause, c'est les lâches. C'est bien plus dur de vivre pour une cause que de mourir pour une cause. T'as plus de problème après, pour l'instant. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne qui est en compétition avec elle-même ne sait pas du tout sur quoi baser sa compétition. Tu dois être en paix. Alors, si tu es en compétition avec toi-même pour être en paix, tu n'es pas en paix. Alors, déjà, partant, tu ne peux pas être en paix parce que tu exprimes le fait que tu n'es pas en paix, tu es en compétition. Oui, mais j'ai une idée de ce que c'est qu'être la paix, alors je vais essayer d'atteindre ça. Ça, c'est une démarche par palier. Escalier, escalier, escalier, palier. Palier veut dire stagnation. Quand tu atteins cette démarche-là, tu as deux processus qui s'enclenchent. Un troisième, mais très rare. Tu en as deux réels qui s'enclenchent. Le premier, la désillusion. Tu arrives sur un palier, en fin de compte, c'était pas comme je pensais réellement. C'est ce que tu voulais atteindre, mais c'était pas ce que tu pensais. Tu pensais qu'en levant 600 livres, tu aurais la paix, tu n'as pas la paix, mais tu lèves 600 livres. Tu pensais qu'en ayant lu 20 livres d'ésotérisme, tu comprendrais, tu as lu les 20 livres et tu ne comprends pas plus. Tu pensais qu'en faisant du ballet jazz, tu pourrais t'exprimer plus. Tu fais du ballet jazz, tu t'exprimes plus dans le ballet jazz, mais tu parles toujours pas plus. Tu pensais que des illusions, puis tu t'écrases. Premier processus rendu au palier. Deuxième processus, tu crois avoir atteint le sommet et tu restes stagnant là. Jusqu'à temps que tu te désillusionnes ou que tu repartes le processus de compétition jusqu'au prochain palier où, à un moment donné, veux pas, il y en a un qui va t'attendre avec une belle grosse désillusion en plein visage. Le troisième qui est très rare, c'est que rendu là, tu continues tout de suite le processus de perfectionnement, donc de compétition. Mais veux pas, tu t'arrives toujours en haut à un moment donné où je vais te faire écraser. Tu vas te rendre compte qu'en compétitionnant avec toi, tu n'as pas développé ton intégralité, tu n'as développé qu'une élite en toi. Et quand tu découvres ça, des illusions, t'as encore toute la job à recommencer que le reste que t'as oublié. Alors, la compétition en soi, elle est, c'est ce qui nous a été enseigné, c'est difficile de comprendre que c'est pas un processus évolutif. Pourquoi? Parce que c'est un processus d'évolution dans l'expressivité de l'élite qu'on a à l'intérieur de nous. Alors donc, je deviens plus perfectionné en dessin, moins dans ma vie. Tout ça, on compétitionne depuis le début des temps, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais on est toujours à la quête de la paix, à la quête de la compréhension des processus, à la quête de l'élimination du karma, à la quête de la compréhension des souffrances, à la quête de la compréhension de tous les mécanismes, à la quête de réussir à échanger une connaissance sans que tu déformes, sans qu'on s'engueule, donc d'un échange réel, télépathique ou n'importe quoi. On est toujours dans la même quête. Après la quête du feu, ben on veut le feu interne, puis on n'a plus lâché. Alors la compétition amène l'individu à quoi? Elle l'amène à un processus d'évolution illusoire jusqu'à temps qu'il perde. Là, il s'écrase, il marche plus, il oublie, puis il va développer ce qui marche déjà. L'individu a de nature tendance à développer ce qu'il veut déjà chez lui et à essayer d'enterrer avec ça ce qui ne marche pas. Alors, ce n'est pas une compétition. L'individu intelligent qui ne fonctionne pas en compétition, mais parce que dit en passant que l'individu qui n'a pas suffisamment de mental en lui se doit d'être compétitif parce que seule la compétition va amener le développement du processus mental. Il est vrai. Mais dans la société d'aujourd'hui et dans les enfants qu'on a et dans les adultes qu'on a, on a suffisamment d'énergie mentale pour comprendre un processus pour pouvoir éliminer la compétition qui nous amène par essai et erreur à arriver quelque part. Alors la compétition n'est plus de mise dans l'éducation. Pourquoi? Parce qu'elle empêche l'énergie intelligente de venir vous donner un savoir instantané. Vous ne voulez pas avoir un savoir instantané? Vous avez une idée de ce que vous voulez avoir, puis vous voulez avoir ça. Vous voulez rencontrer Dieu, vous avez une idée de qui est Dieu. Et vous pouvez, de par une démarche, que vous décidez. Une démarche compétitive, évolutionnaire, illusoire, celle de vouloir copier le Nazaréen, Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui essayent, il y en a qui vont se faire crucifier à la Pâque, il y en a qui vont essayer de vivre comme lui, il y en a qui vont copier des saints, il y en a qui vont copier le pape, il y en a qui vont copier des maîtres, des idoles de films, des n'importe quoi. Ça, ce sont des concepts amenés et tu essaies de les copier. Donc, tu crois que tu vas t'améliorer quand tu vas arriver à ressembler à un tel. Et c'est une démarche de compétition. Mais tu ne peux pas ressembler à un tel sauf dans l'apparence, parce qu'un tel n'a jamais été en démarche de compétition pour ressembler à lui-même. Et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il était. Pas l'homme qui veut le compétitionner et qui veut devenir comme lui. Vous voulez être supérieur à un autre. Mais n'oubliez pas que votre expressivité de vous-même crée dans l'état extérieur, donc dans l'astral, ce qui va amener un contexte matériel pour vous permettre de continuer à évoluer. Soit parce que vous allez créer un cadre où vos enfants vont être capables de tellement bien se transformer qu'ils vont vous accepter une fois vieillard et qu'ils vont vous enseigner. Donc, vous avez créé un cadre adéquat à votre évolution. Mais si on a un cadre de compétition, on doit de toute façon écraser des choses en nous ou des choses de l'extérieur. Et à un moment donné, on ne crée pas par la compétition un cadre adéquat pour continuer à se perfectionner. On crée un cadre adéquat à une certaine élite et vous risquez un jour de ne plus faire partie de cette élite-là de par votre vieillissement cérébral ou physique. Alors, vous n'aurez plus de cadre adéquat, ce qui fait qu'on a des sociétés comme on a présentement. Si je suis en compétition par rapport à l'extérieur, je me voue à créer un cadre sociétaire qui va toujours, un jour ou l'autre, m'empêcher de continuer à fonctionner. La compétition envers soi, elle n'est pas bonne parce qu'elle amène du monde au suicide, elle amène du monde au désespoir, elle amène du monde à des désillusions, puis elle amène du monde sur des chemins qui ne sont pas bons. Parce qu'ils luttent pour arriver quelque part, mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble quelque part, ils n'en ont qu'une idée. Une idée, c'est l'interprétation d'une réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et plus l'idée s'éloigne, si vous avez jamais eu le contact avec la réalité, votre idée, elle est fausse en tabarouette. La compétition intérieure, non. Améliorez-vous dans quoi? Dans tout ou dans rien, mais améliorez-vous. Spécialisez-vous pas. La spécialisation, c'est une idiotie. Même dans notre société. Parce que l'être humain peut faire tout ce qu'un être humain peut faire. Alors pourquoi se spécialiser dans une chose? Dur à comprendre, absolument pas. Puis de plus en plus, ceux qui sont dans les universités se rendent compte qu'effectivement, ils peuvent être astrophysiciens en même temps que médecins, en même temps que mécaniciens, en même temps qu'etc. Cerveau humain fonctionne à 1/10% des neurones que l'on... 1%, 10% disons 1/10 des neurones que l'on connaît. Mais il y a 10 fois plus de cellules cérébrales qui ne sont pas des neurones comme on les connaît. Alors l'homme, le cerveau de l'homme fonctionne à 1/10% de ce qu'il devrait fonctionner. Alors il ne faut pas avoir peur qu'à un moment donné on ne puisse pas comprendre qu'on a trop de choses dans notre tête. Pas en termes d'expérience que le mental peut servir. Améliorez-vous dans rien puis dans tout et puis cherchez, ayez une quête. C'est tout. Vous venez ici, vous apprenez des choses. Il y a des choses qui peuvent être efficaces dans une réalité, d'autres choses non. Vous allez ailleurs. Il y a des individus qui viennent aux conférences, qui viennent à mes conférences, qui vont aux conférences de spiritualistes. Ce qui n'est pas mon cas, moi, c'est plutôt mentalisateur. Au niveau mental. D'autres vont à des conférences de magie noire. Ils viennent ici. Et certains vont dans le spirituel, dans la magie noire, dans des trucs électoraux, ici, dans plusieurs autres conférences. Et c'est les individus les plus équilibrés qui viennent ici. Parce qu'ils sont capables de les chercher un peu partout, n'importe quoi. C'est pas du monde perdu. Ils sont perdus en ce sens qu'ils peuvent pas nous dire « Je démarche pour aller là. » Donc, tu es perdu. Toi, tu démarches pour aller là. Là, tu sais même pas c'est quoi. Tu es perdu comme celui qui démarche pour aller nulle part. Tu es plus perdu parce que tu t'en rendras même pas compte. La compétition, elle est pas bonne à l'intérieur de l'homme, mais l'homme doit s'améliorer. Pas pour. Il doit s'améliorer. Mais pas pour rien. Reparle, s'il te plaît, de la compétition intérieure. Quelle attitude avoir pour établir l'harmonie? Observer la compétition et quoi? Bon, c'est sûr que l'observation des mécanismes internes lors d'une compétition intérieure, vous avez quelque chose qui vous fait peur, cette peur-là, ben, il peut y avoir un phénomène mental qui va essayer d'exprimer le courage. Et vous avez une lutte entre deux énergies, entre deux corps, l'intellect et la psychologie de votre astral. Le fait d'observer la peur qui lutte contre la psychologie détruit en même temps la peur et le courage. Vous n'avez plus peur et vous n'avez plus besoin de courage parce que vous n'avez plus peur. Alors automatiquement, vous êtes dans un état d'être qui va durer aussi longtemps que vous ne recommencerez pas à avoir peur ou à vouloir être courageux. Alors la compétition à l'intérieur de l'homme, la compétition au niveau du mental. Le mental veut maîtriser l'astral. L'astral mental veut détruire l'astral. Celui qui veut détruire l'astral, c'est l'astral. L'astral mental, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Il y a une compétition chez l'homme. Vous regrettez des choses. Vous avez une compétition déjà entre deux concepts et entre un concept de l'intellect qui vous dit que ça aurait été plus efficace telle chose et la mémoire de ce que vous avez fait qui était aberré. Et toutes les compétitions à l'interne sont des mécanismes qui vous gaspillent de l'énergie psychologique, astrale, vitale et physique, parce que vous exprimez cette lutte-là à l'intérieur de vous, par un shake, hein, par un tremblement, par un ulcère, par n'importe quelle pathologie. Les mécanismes même de la lutte, de la compétition intérieure chez l'homme, sont des mécanismes qui vont amener l'homme à brimer son expressivité de l'astral. Un individu qui se mentalise, un individu qui se supramentalise, donc qui se conscientise, est un individu qui reste chaud, qui a des émotions, qui a une expressivité de ses émotions, mais qui garde un mental jamais coloré, jamais teinté par l'expressivité de son émotivité. Il a des émotions, mais jamais celles-ci vont venir ternir le mental. Pourquoi? Parce qu'il est en état de conscientisation, il n'a pas de lutte à l'intérieur. Une lutte à l'intérieur, chaque fois que votre astral vient teinter votre, une décision mentale, L'exemple que je donne le plus souvent, vous voulez acheter une auto, elle est jolie. Votre mental vous dit, vous n'aurez jamais les moyens de la payer. Votre astral vous dit, c'est pas grave, achète-la, après ça tu verras. Alors là, il y a une compétition entre le mental et l'astral. Compétition qui brime le mental et qui amène la psychologie à faire des choses qui ne sont jamais adéquates et jamais efficaces. Vient le temps où le mental évolue suffisamment pour vouloir, à un moment donné, fermer la trappe à l'astral. Donc, le mental va dire, je vais me contrôler. L'astral intellectuel peut dire, je vais me contrôler. Elle va contrôler quoi? L'autre astral. Il y a déjà lutte entre l'intellect et l'astral. Mais il peut y avoir lutte entre le mental, qui est l'intellect adulte, avec l'astral. Et là, on va avoir un processus où l'individu va tenter de briller complètement l'expressivité de sa psychologie. Ce qui est extrêmement dangereux. J'ai plus besoin de ma femme, j'ai plus besoin de mon mari, mes enfants, c'est pas plus grave que ça, tout l'extérieur, je m'en fous. Et puis moi, je ne fais que travailler pour évoluer. C'est une quête reliée à l'astral où on va avoir une compétition entre le mental et la psychologie. Plus d'expressivité. La sensiblerie, c'est pas bon, la sensibilité, c'est nécessaire. L'émotivité, c'est bon, mais un excès d'émotion, un excès d'émotivité non contrôlé, c'est-à-dire qui s'exprime n'importe quand, sans relation efficace avec l'extérieur, c'est une aberration. Mais le mental va finir, à un moment donné, par se faire donner suffisamment de confiance à l'astral pour que l'astral, la psychologie, permette au mental de déterminer quand il doit rire, quand il doit aimer, quand il doit exprimer une psychologie. Et ça, ça va se faire quand il n'y aura plus de lutte à l'intérieur de l'homme. Ce qui devient difficile pour l'homme, c'est d'en arriver à être capable, quand tu es avec d'autres gens, de susciter la vie dans ces personnes-là sans susciter de compétition. Exactement. Il n'y a pas de compétition. Moi, je m'adresse de temps en temps à des personnes. J'ai des amis qui viennent à mes conférences, mais ils ne me voient jamais comme un être supérieur parce que entre eux, ou entre moi, il y a un phénomène d'énergie, je suscite, ou nous suscitons, un état de non-compétitivité. Alors, ce qui fait qu'on peut sortir, on peut camper, on peut s'amuser, on peut manger, on peut faire plein de choses, et quand je parle, disons, de quelque chose d'intelligent, ils vont m'écouter, ils vont respecter ce que je dis, pas moi, ce que je dis. Hein, tu te mets pas en joue devant la radio, parce que à la radio, tu entends quelque chose d'extraordinaire, alors c'est la même chose. Mais on n'a pas de compétition entre nous deux. Par contre, avec d'autres individus qui sont dans des marches compétitives, ils me voient plus haut qu'eux, ce qui n'est pas une chose évidente. Ils n'en savent rien. Ils me croient, mais ils n'en savent rien. Hein? Et les individus qui vont démarcher dans l'ésotérisme, dans la spiritualisation, dans n'importe quoi, sont compétitifs et ont toujours un maître ou une énergie supérieure en eux deux. Quand moi je parle d'énergie supérieure, je parle d'énergie qui vibre plus rapidement. Je parle pas d'énergie auquel je vais aller me mettre à genoux. Même si je rencontrerais le plus dieu des dieux, jamais j'irai me mettre à genoux. Pas parce que je suis orgueilleux. Parce que je sais que l'autre, il va me donner un coup en pleine face si je fais ça. C'est pour ça que je n'irai pas le faire. Alors, il n'est pas question d'orgueil, mais je ne suis pas en compétition. On va se serrer la main, on va jaser. Ce que j'ai à apprendre, je l'apprends. Mais c'est tout. Il y a un échange d'énergie. Quand tu bois de l'eau, tu ramasses des minéraux là-dedans. Tu n'es pas capable d'y faire les minéraux. Puis c'est l'eau qui te donne les minéraux. C'est l'eau qui, les minéraux te gardent en vie. Tu respectes l'eau. Ben, respecte-la en ce sens, garde la pluie, tu en auras besoin, mais tu te mets pas à genoux dans l'eau. Tu te baptises dans l'eau parce que l'eau lave ton corps et elle amène avec elle des vibrations psychologiques, donc de l'extérieur. Alors, le baptême, c'est une purification extérieure. Mais, tu ne déifies pas l'eau, ni la nourriture. Tu vas même dire qu'un cochon, c'est sale, puis tu le manges, puis c'est lui qui te garde en vie. Alors, la compétition, elle ne devrait pas exister dans aucun échange, puis dans quoi que ce soit, parce que c'est elle qui crée des murs, c'est elle qui crée des frontières, des fossés, puis des n'importe quoi. C'est juste la compétition, à l'interne comme à l'externe. Et où, Daniel, le pouvoir réel de l'homme, là, si on tombe pas dans le trip de la puissance de l'homme plutôt que dans, tomber dans le trip du pouvoir de l'ego. Bon, la puissance qu'a l'homme, c'est simplement la possibilité et la capacité qu'il est le seul à avoir de pouvoir exprimer des énergies. Le problème, c'est que l'homme exprime l'énergie de la psychologie astrale et celle-ci bloque l'expressivité des autres énergies. Alors, elle va laisser passer les autres énergies selon ce qu'elle désire et elle va les colorer. C'est-à-dire que 1% d'énergie mentale passe avec 99% d'énergie psychologique, donc l'expressivité est une teinture du mental ou une teinture du supramental. Mais l'être humain a comme puissance extraordinaire et exceptionnelle le fait d'être capable de pouvoir laisser traverser, donc de pouvoir se laisser traverser et d'exprimer de l'énergie mentale, mais surtout l'Esprit Saint, donc l'intelligence active, l'énergie supramentale. Mais il doit parfaire ses canaux, c'est-à-dire qu'il doit enseigner l'homme global, l'homme mental, astral, vital et physique, l'homme dans son intégralité, il doit enseigner à ce maudit corps-là qui est l'astral à arrêter de limiter et de décider comment une énergie va s'exprimer. Je t'aime, puis toi je t'aime pas. Alors je dis, mon astral vient encore de déterminer comment l'énergie de l'amour s'exprimerait. Toutes les formes d'énergie sont teintées par l'astral présentement. Mais l'homme a un pouvoir extraordinaire. Il peut laisser s'exprimer un égrégore astral à travers lui. Donc, il devient mage ou sorcier. Il peut laisser exprimer une énergie qui peut être de l'amour psychologique. Où il veut donc aimer, il va avoir une relation. Mais il brime toujours les autres formes d'expressivité des énergies. Parce que l'amour qui s'exprime chez l'homme, c'est un amour psychologique. Et il n'y a pas d'amour supramental, donc il n'y a pas d'amour divin. Parce que l'amour divin va faire en sorte que tu vas même aller jusqu'à tuer. Prends juste l'idée que tu te promènes un jour et que tu rencontres un maître, un individu initié. Maître parce qu'il se maîtrise. Et non pas maître parce qu'il te maîtrise. Bon. Alors pas un maître comme on rencontre souvent, un vrai. Bon. Comme on ne rencontre pas. Alors, tu rencontres un maître. Ce maître-là te dit, toi, tu lui demandes, je veux apprendre avec toi. Alors, le maître te dit, parfait, suis-moi, mais à une condition, je veux pas que tu me poses une seule question, jamais. Prends mon énergie, puis vois. Alors, le maître s'en va, il se promène. Et puis, à un moment donné, il arrive à un endroit, il voit une chaloupe, et il demande aux personnes qui appartient à la chaloupe s'il peut l'emprunter pour traverser une rivière. Les personnes lui disent, oui. Je la loue. Alors, le maître paye, prend la chaloupe avec toi, traverse la rivière. Rendu à côté, il prend une grosse roche puis défonce toute la chaloupe. Puis là, le maître s'en va. Alors, toi, féru d'évolution et de paix de tout ce qui est divin, ben là, le maître, l'autre, il prête sa chaloupe, puis l'autre, il la défonce toute, puis ils n'ont plus. C'est leur seule chaloupe qu'il y avait. Puis c'est des pêcheurs. Alors, ils peuvent même plus pêcher. Alors, le maître s'en va, gentiment, gaiement. À un moment donné, le maître arrive à un endroit où il y a un immense mur de pierre. Et puis là, le maître, il dit, bon, ben, cache-toi parce qu'il y a du monde qui s'en vient et qui ne sont pas corrects. Alors, le maître se cache. Alors, même mieux que ça, le maître, il se cache tout court et il ne dit rien. Alors, tu es là, puis tu regardes le maître, puis le maître, il dit, ben, t'es mieux de te cacher parce que ça te fait attaquer. Alors, tu décides de te cacher, puis tu as une troupe de cavaliers qui passent. Puis, tu vois, c'est des batailleurs, c'est des guerriers, des mauvais. Bon, des forces du mal. Alors, une fois qu'ils sont passés, le maître se relève, il revient. Les cavaliers ont détruit un mur, puis ont attaqué une famille. La famille, il y a une maison sur le bord du mur. Le maître arrive, puis commence à rebâtir le mur. Pendant ce temps-là, le monde, ils sont attaqués par les bonhommes, mais ils arrivent à se cacher dans un trou. Alors, toi, tu lui demandes, au lieu de refaire le mur de pierre, on n'aura pas pu aller les aider. Fait que le maître, il dit, ben, tu te souviens, hein, tu me poses pas de questions. Alors, le maître, il continue, il arrive dans un endroit où c'est un petit village sur le bord de la mer. Puis t'as un enfant qui est extraordinaire, qui est beau, qui est joli. Il a à peu près 8 ou 9 ans. Alors le maître s'approche de l'enfant, puis il étampe son poing en pleine face, puis il défigure ad vitam aeternam. Le maître s'en va. Alors en fait, t'en peux plus. Alors tu sautes sur le maître, mais le maître, c'est un féru d'arts martiaux. Alors le maître, il te plante gentiment à terre, puis toi, puis il s'en va. Alors là, tu reviens, puis tu l'engueules. Le maître, ça retourne, il dit, bon, là, je veux plus que tu me suives, je vais t'expliquer. Premièrement, les cavaliers, je savais qu'ils viendraient. Alors, si on aurait laissé la chaloupe dans son état, ils auraient pris la chaloupe, puis ils auraient attaqué les pêcheurs, puis ils les auraient tués. Alors, j'ai détruit la chaloupe pour que les cavaliers ne les attaquent pas. Deuxièmement, dans le mur, je savais que les personnes de la maison ne seraient pas tuées. Dans le mur, il y avait une bourse, plein d'argent, c'était toute leur possession. Alors, j'ai refait le mur pour recacher la bourse, pour pas que les pillards la trouvent. Puis, deuxièmement, l'enfant que t'as vu là, c'est un tyran. C'est le plus beau de ce village-là, et puis par sa beauté, il réussit à soumettre tout le monde. Et plus tard, ça aurait été un être absolument diabolique. Alors, défiguré comme qu'il est là, il va vivre, mais il va apprendre, puis il va devenir un pêcheur comme les autres. Bon, en attendant, tu comprends rien, va-t'en, je veux rien savoir. Puis le maître s'en va. Alors, entre l'expressivité d'une divinité, puis ce que c'est réellement qu'une divinité, il y a deux choses. Un individu qui a l'harmonie, qui a la paix, n'exprime pas qu'il y a l'amour, n'exprime pas l'amour comme on la voit peut-être chez les individus qui t'accrochent au bord du métro puis qui t'aiment. Tu sais, des individus qui ont une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour. Le maître que je viens de te parler, c'est le maître qui a été inventé par Bruce Lee et c'est celui qui est dans Le Cercle de Fer, le film dont je t'ai parlé. C'est un film d'art martial. Alors, tu vois, c'est un maître. Bon. Mais lui exprime l'amour. Mais l'amour pas de toi, l'amour de la race humaine en train d'évoluer. Si faut que tu pour faire quelque chose, je le fais. Parce que j'aime la planète Terre. Toi, c'est pas grave, tu vas revenir dans un contexte meilleur. Alors, il n'y a rien. Là, l'amour humain, l'homme ne sait pas c'est quoi, et l'homme exprime une forme d'amour qui est l'expressivité de l'astral. Quand l'homme arrive à ne plus être en compétition, il n'exprimera pas qu'une forme d'amour pour bannir la violence. La violence, c'est une forme d'amour quand c'est le mental qui la dirige. Pas quand c'est l'astral, mais quand c'est le mental. Le mental est toujours relié au supramental. Alors, ce qui fait là-dessus, c'est que ta forme d'expressivité, l'homme a le pouvoir et la puissance d'exprimer les énergies. Mais l'homme s'évertue surtout à exprimer l'énergie de la psychologie dans toutes ses formes. Et là, c'est une aberration. D'ailleurs, ça donne ce qu'on a présentement ici. Ça fait 2000 ans qu'on enseigne la paix et l'amour suite au passage d'un individu qui vient pour lui. Et puis, on est toujours en guerre parce que ceux qui veulent pas la paix, ben, on leur enseigne avec la force. Bon, alors on fait le bien, mais on le fait mal. Alors, on a des conflits comme on les a présentement. Si tu arrives à exprimer, à réellement être puissant, la puissance, c'est quoi? C'est pas l'expression de l'orgueil. La puissance, c'est l'expression d'une énergie supramentale qui va donc être canalisé par l'énergie mentale et qui va s'exprimer par le reste des corps planétaires, le reste des corps inférieurs, ce qui est l'homme. Et automatiquement, tu as la connaissance instantanée. Tu te poses pas de questions, tu le sais. Et tu agis en fonction d'une chose intelligente, d'une efficacité. Tu es, non seulement tu vas voir les conséquences de tes actes et de tout ce qui se passe, donc tu es relié au plan divin, hein, comme on a déjà vu, et automatiquement, l'individu est puissant. Puissant comme tous ceux que l'on veut copier, comme tous ceux que l'on veut plagier. Mais on ne sera jamais puissant comme eux, parce qu'on ne passe pas par le même chemin qu'eux. Eux ont passé par un chemin, et nous on passe par le chemin du copiage. Par le chemin de la compétition, on veut s'améliorer. L'individu qui veut s'améliorer va découvrir un jour qu'il ne doit plus s'améliorer. Ça veut dire qu'il ne doit plus vouloir s'améliorer. Qu'il doit s'améliorer, mais qu'il va s'améliorer, qu'il n'a pas le choix de s'améliorer. Alors, améliorez-vous, mais pas, mais c'est tout. Je veux pas être pur, je veux être. Être quoi? Être. Alors, améliorez-vous. Dans tout, limitez-vous pas. Perfectionnez pas ce qui est déjà bon en vous. Travaillez sur ce qui est pas bon, parce qu'un jour, vous allez devoir le payer. Vous allez devoir tourner en bas. Ça, il faut faire énormément attention. Alors, ce qui fait que, si on regarde la puissance de l'homme, c'est la puissance d'exprimer des énergies. Puis les énergies qu'on peut exprimer sont bien plus puissantes qu'on peut penser. Les seules formes, même le Nazaréen, ce qu'il exprimait comme une énergie, c'était relié, teinté, disons, par l'astral planétaire qui n'était pas tellement évolué à cette époque-là, et c'était très limité. Alors, ce qui l'a amené à dire qu'un jour, vous autres, ben, les hommes, feraient bien mieux que lui. Parce qu'on aurait un contexte planétaire vachement mieux que ce que lui avait. Lui, il était peint, hein, par-dessus sa tête. Alors, on a un contexte plus facile. Les énergies, on devrait faire beaucoup plus. Mais on est encore, et on s'est reçu toujours, on est des irréductibles. et puis on a vu qu'exprimer l'astral, un peu de mental, un peu de supramental, mais bien on est teinté par l'astral parce que ça risque de nous faire peur. L'homme va être puissant, puis l'homme il l'est, quand il va être capable d'exprimer cette énergie-là. OK, je pense que tu as répondu à la question suivante qui demandait une réponse, disons, peut-être à soir. L'autre jour, tu as dit que l'homme ne savait pas ce qu'était l'amour. Il ne pourra jamais le savoir. Pourquoi nous dis-tu des choses dans ce genre? Si d'avance, tu sais qu'on ne saura jamais, pourrais-tu élaborer un peu plus afin que je ne sois plus tourmenté? Merci. Pas de problème, on va finaliser sur l'amour. Le fait de rechercher l'amour, c'est de rechercher l'idée qu'on a de ce que devrait être l'amour ou de ce que pourrait être l'amour. Alors, le fait de rechercher quelque chose dans la réalité qui pourrait cadrer avec une idée que l'on a prouve qu'on ne sait déjà pas c'est quoi l'amour, mais le fait de savoir qu'on ne le saura jamais, pas l'homme présent, l'homme nouveau, oui. Puis l'homme nouveau, c'est pas vous autres qui allez décider que vous êtes nouveau. Bon. Alors, ce qui fait que l'homme ne le sait pas, et c'est bon que l'homme sache qu'il ne le sait pas, parce que la base de l'équilibre dans l'évolution, c'est quand l'homme sait ce qu'il sait et sait ce qu'il ne sait pas. C'est le début du discernement. Puis ce discernement-là, on doit l'acquérir. Alors, ce qui fait que l'amour, l'homme ne le connaîtra pas en ce sens que l'homme ne pourra pas l'expérimenter pour pouvoir le mémoriser. Donc, l'homme ne saura jamais ce qu'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se vit dans l'instantané et qui n'est pas mémorisable. La seule chose qui est mémorisable de l'instantanéité, de l'expressivité de l'amour, c'est simplement une interprétation d'un fait, une interprétation d'une expressivité instantanée, donc une idée. Alors, vous avez fait l'amour avec votre femme, avec votre mari, vous arrivez à un moment donné à une certaine extase que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas mémoriser. Vous avez une idée de ce que c'est, mais l'idée est bien et bonne. Mais c'est même pas ça que vous obtenez. Mais cette fichue idée-là, de l'extase vitale, c'est pas une extase d'amour, c'est de l'énergie vitale. La relation sexuelle, c'est vital, c'est pas au niveau psychologique, au niveau de l'amour en tout cas. Psychologique un peu, mais c'est de l'énergie vitale qui circule. Et cette énergie-là, ben, on en a une idée. Avec notre psychologie d'amour, tout ce que ça peut créer dans notre mémoire, l'idée, disons, la jouissance qu'on a eue, qui n'est même pas représentative de ce qui s'est passé. Hein, on ne peut pas le définir, ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'était un échange d'énergie vitale, mais d'énergie pure, dans une instantanéité, sans temps. Alors, on garde une idée bien plaisante, et cette idée-là a comme deux conséquences. Celle de vouloir nous amener à la recréer, donc on peut être déçu, et celle, quand on recrée un événement, de rechercher dans nos mémoires si ce qu'on vit fit avec ça. Donc, on brime l'événement qu'on est en train de vivre, puis on se rend compte que ça n'est pas aussi bon qu'autrefois. Bon. Alors, ce qui fait que, quand est-ce que c'est meilleur ou aussi bon, c'est quand tu t'en rends pas compte. Quand tu compares pas, par après, tu te dis, hey, c'était bien meilleur. Bon. C'est l'énergie vitale. Mais c'est ça. Mais vous ne saurez jamais c'est quoi. Vous pouvez le vivre. Mais vous ne l'apprendrez pas c'est quoi. Vous ne connaîtrez pas c'est quoi. Ça se vit. Dans l'instantanéité. Et ça peut se vivre tout le temps. On n'en est pas à ce niveau-là. Mais c'est dans l'instantanéité. Alors, dans ce sens-là, l'homme ne connaîtra, l'homme ne saura pas c'est quoi l'amour. Et rechercher l'amour, c'est rechercher quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, on recherche n'importe quoi, puis on espère que ça va fitter avec une idée qu'on a. Alors, en ce sens-là, l'homme ne connaîtra jamais c'est quoi l'amour.